C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron nous remplira les oreilles de musique variée dans son segment La Carte Beachée et on apprendra comment améliorer nos vies sur cette terre avec les instructions d'assemblage. Tout ça et Tania nous racontera sa soirée d'hier. Assemblage requis tout de suite. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 25 avril 2017, à deux jours et demi avant la fin de la session, mais comme le jour où la fin de la session va commencer, comme vendredi matin. C'est un peu confus. Là. Il reste trois jours et demi. Ça dépend, jours et demi. Ça dépend de quand vous finissez votre session. C'est vrai. Mais techniquement, ça finit vendredi, donc jusqu'à minuit vendredi matin, il reste deux jours et 16 heures. Tout à fait. C'est pas pire, ça. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Voilà qui est dit. Oui. T'as réussi à te rendre parce qu'hier, apparemment, que t'as eu de la difficulté à te rendre jusque chez toi, j'imagine. En fait, j'étais en direction de l'université. Ah, ouh, à quelle heure, ça? Il était approximativement 8 heures. 20 heures. Oui, exactement, normal, 20 heures le soir. Fin de session. Oui, tout à fait. Mon ami et moi, en fait, on est allé chercher un café. On s'est dit, on va aller travailler un peu à l'université. C'est quand même calme là-bas, qu'on va faire ça. On a laissé la voiture de mon ami au McDonald's. C'est quand même drôle comme adon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Puis on est montés les deux dans la même voiture. Et au moment où je devais faire mon tournant à gauche, puisque ma lumière me l'indiquait. Le terme technique étant un virage. Exactement, mon virage à gauche sur, en fait, des forges et des cyprès pour ceux qui sont habitués à Trois-Rivières avec les noms de rue. Donc, j'étais située là. Et puis, je vois ma flèche apparaître pour que je puisse tourner. Alors, je tourne et au moment où je tourne, je réalise qu'il y a une voiture qui s'en vient directement sur nous et qui n'est pas censée être là. Et je tourne, je me raccroche à la vie. Exactement. Je me suis plutôt rattachée à certains... certaines techniques de course automobile que j'avais appris au cours des dernières années. Donc, j'ai fait un peu de drift. Okay. Et grâce à ça, bien, j'ai réussi à tasser la voiture pour que la madame pogne juste l'arrière de ma voiture. Sinon, à rentrer dans mon ami, le côté passager ou grand complet. Tu as sauvé la vie de Linton pour les habitudes de l'émission. C'est ce qu'elle m'a dit. Malheureusement, la madame, bien, est très gentille. Là. Elle a assumé ses torts et elle a passé sous la lumière rouge. Ah, elle l'a dit elle-même à la police. Oui. J'ai passé la lumière rouge. Exactement. Bien, il y a une nouvelle signalisation dans le coin. Oui. Donc, on va laisser le bénéfice du doute pour ça. Peut-être que c'est ça qui est arrivé, on ne sait pas, mais une chose certaine, c'est qu'elle avait clairement pas arrêté à sa lumière rouge. Là. Elle s'en venait sur un bon air d'aller aux alentours de 55 km/h, je vous dirais. Au moins, elle est honnête. Elle a dit j'ai traversé sur la rouge. Elle aurait pu dire aussi j'ai pris full de drogue puis j'étais sur mon sel. J'avais un burger en fait, elle était quand même âgée. C'était pas une jeune personne, là, je dirais peut-être une cinquantaine d'années. Elles étaient quatre dans la voiture, donc j'imagine qu'à un certain moment, eux aussi ont fait le saut. Puis c'est ça, ma voiture est comme plus de suspension arrière. Mais pas scrap, là, tu peux la faire réparer. Présentement, on sait pas. Ah. On a envoyé la voiture, mais il y a de fortes chances que... C'était son dernier voyage. Ouais, que c'était son dernier voyage, parce qu'en fait, j'avais terminé de payer ma voiture. Ouais. Tu t'es payé sur ce champ-là. T'as fait exprès. Non, ben c'est ça, je me suis dit, c'est juste bon, la madame va penser que je fais exprès. Mais non, pas du tout, j'ai zéro fait exprès. Si j'avais eu la chance d'avoir ma voiture encore pour un bout, je l'aurais prise. Mais malheureusement, oui, je suis assurée des deux côtés en plus, donc je vais probablement avoir une voiture de location dans les prochains jours. Cool. Et devoir m'arracher une autre dans les autres prochains jours. Ah, c'est pour ça qu'il est garanti. Je pensais qu'il t'a changé contre une autre. voiture? Bien, c'est sûr que pour le temps où qu'on peut évaluer les dégâts sur la voiture, parce que là, j'ai plus de suspension arrière, j'ai plus... Il me manque pas mal de choses en dessous de ma voiture présentement. Je pouvais pas déplacer la voiture hier, là, je pouvais pas arriver à avancer ou reculer ou peu importe. C'est sûr qu'il y a la ligne de frein aussi qui a arraché parce que je le sentais, là, j'avais plus aucun frein en arrière. Bearing de roue, tout ça, tout a arraché, là, malheureusement, c'était tout au milieu de la rue. Donc, il y a pas mal de dégâts sur le dessous de ma voiture, ce qui devrait engendrer quand même des coûts qui valent pas mal plus que ce que j'ai déjà payé sur ma voiture, ouais. Considérant le fait que j'avais terminé les paiements. Donc, si le garagiste en fait calcule que c'est perte totale au niveau du derrière de la voiture, bien... Malheureusement, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Avec ta propre argent? En théorie, je devrais être assurée pour ça, okay. Là. Surtout que c'est pas moi qui étais dans le temps. Donc, c'est ça qui s'est passé hier soir. Est-ce que vous avez étudié, finalement? On est venu à l'université pareil parce ouais. que, considérant le fait qu'on avait laissé la voiture de mon ami au McDo, ben on a tout simplement retourné au McDo. On après que ce soit passé, vous êtes ben, on a attendu que les policières puissent nous laisser aller, que la remorqueuse vienne chercher ma voiture. Je tiens à remercier mon père qui est venu me rejoindre, ouais. qui s'est assuré que tout a bien été fait et qui est surtout venu me mener ce matin, qui va faire le taxi pour une bonne partie de la journée. Ouf! Je me sentais un petit peu comme quand j'avais 13 ans puis je demandais un livre pour aller à l'école en manquant l'autobus ce matin. Mais écoute, merci Denis Baudin, merci à mon père qui est venu me chercher, qui est venu pas nécessairement me calmer, mais à un certain point, oui, parce que je voulais arracher la tête à tout le monde. Ah, est-ce que Lintel va réussir à rembarquer avec toi ou est-ce que tu l'as complètement brisé psychologiquement? Non, en fait, je crois que j'ai peut-être sauvé psychologiquement Lintel. Oui. Si, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, je suis contente que tu saches conduire aussi bien que ça. Oui. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé parce que lorsque j'ai vu la voiture arriver, j'ai dit, c'est sûr qu'elle pogne Lynn. Puis à la vitesse à laquelle je me suis sentie ingénieure l'instant de 30 secondes, on dirait que j'ai tout calculé, la vitesse de pointe qu'elle avait, la vitesse que moi j'avais, le degré que ma voiture avait déjà dans le virage. Donc il y a pas mal de choses qui s'est passé dans ma tête, j'ai calculé, j'ai fait bon ben si je drifte un peu à gauche, elle pogne juste le derrière, c'est ce que j'ai fait. Wow. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à pas flipper. Ah ouais. Oui, parce qu'à la vitesse à laquelle elle s'en venait, si elle rentrait dans le côté de Lintan, au milieu de la voiture et non pas, par exemple, en arrière seulement ou en avant seulement, bien, elle ramassait le tout de char. Ça me fait peur, tout ça. Oui, nous aussi. Je te dirais que je me sentais un petit peu mal d'avoir comme bloqué le coin de déforge des cyprès pendant c'est ça le problème. Petit peu de temps. Tout le monde se disait ça, oh, là, il bloque la rue. Ben, je suis à dire aussi aux deux voitures qui ont décidé de snapper notre accident. Vous êtes vraiment niaiseux. Ah, bravo. Bravo. Ouais, c'est ça. Lintel était vraiment fâché. Ben, j'espère. Et que les gens sont remplis de compassion et d'empathie. Oui, on est correct. On a un petit peu de courbature ce matin, mais à part ça, number one, je vais aller faire un petit tour chez la chiro probablement cette semaine. Tu vas payer ça par les assureurs. Ben, je vais probablement aller voir ma chiro parce que la clavicule, un petit peu en dollerie ce matin. Elle t'aime déjà pas, la clavicule. Oui, c'est ça, en partant, donc... Boy. C'était ma péripétie d'hier soir. Ben, une chance faites que vous attention, les sauve. Même s'il y a des nouvelles signalisations, là, lorsque vous réalisez que vous avez une lumière rouge devant vous, arrêtez. C'est un peu connu, hein, ce que ça veut dire une lumière rouge, habituellement. Ouais. Bref. C'est ça. J'espère que ça t'arrivera pas de nouveau. J'espère aussi. On m'a conseillé d'aller me chercher une Tesla. J'ai tout simplement dit que j'avais pas les moyens. Ah, ben oui. Mais ben oui. C'est raisonnable. Tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Je me suis dit. Est-ce qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui, Tania? Tout à fait. Ouais. Plus tard, on va voir David Ferron, un autre rescapé de la vie avec sa chronique La carte bleachée. Il va nous parler de musique d'un petit peu partout dans le monde, peu importe. C'est pas nécessairement de la musique du monde, c'est la musique du monde. Tu comprends? Oui. C'est du monde qui l'ont fait. C'est du monde. On va aussi avoir. ta chronique. À toi, tu ne parles pas de ton accident, j'imagine. Donc, Tania Esgolin, Tania, qu'est-ce qui s'en est? Bien, en fait, je vais vous parler de ce que j'ai pas eu le temps nécessairement de parler hier soir. Donc, je vais vous parler d'un. L'émission est le matin. Exactement, c'est vrai, j'ai dit hier soir. Ouais. D'un concept musical qui commence à faire sa place un petit peu partout en Amérique du Nord, qui était connu aussi dans d'autres endroits dans le monde avant ça. Mais on en entend de plus en plus parler, donc vous allez voir un petit peu plus tard de quoi je vais vous parler. Super, c'est dans Tania Esgolin, Tania. Et à la fin de l'émission, les instructions d'assemblage en ce mardi. Mais on débute avec une pièce de François. Et, François? Ouais, François and the Atlas Mountains. C'est intéressant comme titre. Voici Tendre et l'âme tout de suite à Assemblage requis sur CIFU 89 FM. rinsoir. Yeah, ça se mange. Sur l'étoile, soir se livre. Fixe la lune en équilibre, tendre son âme. Sur la ville cubiste étendre ses rêves comme une pluie de cendre, tendre son âme. Voix d'homme forte insiste, le cri redescend l'artiste, comme les contes, le col qui le cuise, dont l'alcool laconique nique son âme. Et dans le club, leur danse la triste, quand lui s'élance le disautiste. Quand passe l'heure qu'il espère, qu'il enlace et qui prend son âme. François and the Atlas Mountains avec Tendre et l'âme. Ah, son âge. Oh, il y a des... Des anges en arrière. La maison hantée d'Assemblage de Kiwi ce matin. D'habitude, on fait 5, 6, 9 réponses là pour se procurer des choses inutiles le mercredi, mais comme on n'a jamais le temps de la faire le mercredi de ces temps-ci, on a devancé ça au mardi, donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons avec tout simplement notre premier gadget sur le bord qui est une poubelle. Oh. Une poubelle, mais qu'on peut pas, on peut pas vraiment acheter. T'sais, des fois, il y a des affaires que je sais pas dans quelle chronique le mettre. Là. C'est le genre de gadget que je sais pas dans quelle chronique mettre. Mais c'est une poubelle. Tu sais, des fois, tu vas arriver, bon, les gens vont acheter des affaires dans la rue parce qu'il manque de poubelles. Il oui. Y a jamais assez de poubelles, surtout à Trois-Rivières. Je veux dire, vrai. Sérieusement, il devrait y en avoir beaucoup plus que ça. Donc, les gens jettent par terre. Pour les encourager à mettre les choses dans la poubelle, c'est une poubelle qui, lorsque tu mets quelque chose dedans, va transformer ça en bloc Tetris et va venir compléter des rangées de Tetris sur la poubelle en version numérique avec des lumières. C'est une bonne idée. La Tetra Bin. Il y a une série de sensors à l'intérieur de la poubelle qui mesure la grandeur, la forme de votre déchet et puis va mettre un bloc dans l'affichage sur le côté. Donc les gens vont être encouragés à garder les rues un petit peu plus propres. Vraiment cool, Tetra Bin. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Non, pas l'acheter, mais en même temps, on veut que les villes achètent ça, hein? Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Quand tu bois de la bière, Tania, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de mousse? Est-ce que t'aimes ça, la mousse sur la bière? Ça dépend de quelle bière il s'agit. De la mousse de bière rousse, je suis pas capable. Ah non, pour vrai? Ouais. Ah. Ça dépend aussi si le fait que ta bière coûte super cher et qu'elle te met trois quarts de mousse ouais, sur, dans ton verre. Ouais, c'est ça, là, on se calme. C'est ça. On veut être raisonnable sur la mousse. J'aime avoir un petit collet. Un petit collet, une collet de froment chez, voilà. Donc, si vous voulez avoir une bonne bière avec une bonne grosse mousse chez vous, peut-être, vous pouvez acheter ce Beer Foam Enhancer. C'est une baguette à ultrasons qui est faite pour vous donner un petit peu plus de mousse en moins de 2 secondes avec un design vraiment classe. Et ça va être facile à transporter. C'est comme genre un genre de crayon, baguette, pipette, si on veut. Mm-hmm. Ça coûte 45 $ canadiens. J'imagine qu'il faut vraiment boire beaucoup et inviter beaucoup de gens. Oui, c'est pour ça. Que ce soit rentable. Mais vous allez pouvoir peut-être économiser sur la bière que vous allez donner à vos amis parce que vous allez remplacer beaucoup de bière par beaucoup plus de mousse. Hein? Tout à fait. Ensuite, quand tu coupes les ongles, Tania. Oui. Tu fais des ongles partout. Ça dépend, mais ouais. Est-ce que tu as déjà eu des collègues en classe, qui se coupent les ongles en plein cours? Arc, non, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégueulasse. Il y en a qui font ça, j'entends des anecdotes fréquemment de ça et je trouve ça atroce à entendre. Il y a des gadgets, il y a des coupe-ongles avec un réceptacle à l'intérieur. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais là, si vous voulez dépasser le niveau geek et aller au niveau nerd supérieur ou inférieur, dépendant comment vous regardez ça, ça s'appelle le Cut Hut. Cut Hut, mm-hmm. Comme dans une hutte pour les coupures de coupe-ongles. Donc, c'est comme un genre de cadre, si on veut, avec une loupe. Okay. Tu insères ton doigt dedans et là, il y a un écran, un peu comme une télé. Imagine une télé rétro avec une base. Là. Bon, ça. Tu mets ton ongle dedans, tu as une loupe pour voir plus gros. Et quand tu passes ton coupe-ongle dans le dessus de la boîte, tu peux couper ton ongle de plus près et les ongles vont tomber dans le réceptacle qui est autour de ton doigt. OK. C'est vraiment, vraiment nerd. Oui, vraiment. Mais très pratique. C'est sûr. Mais tu fais quoi quand tu veux te couper les ongles d'orteil? Tu peux faire la même chose. Ouais, ça rentre. Ouais, ben tu sais, il faut que ce soit un petit peu plus contorsionniste, ouais, peut-être. C'est ça. Mais oui, c'est supposé rentrer, en effet, pour tous les doigts. Ah! Ça coûte 22 $ canadiens. C'est vraiment laid. Ils ont même pas, je veux dire, c'est genre beige avec le logo Cut Hut. C'est juste pas beau. C'est vrai. Mais bon, ça a du potentiel pour pas avoir à passer l'aspirateur après avoir fait tes ongles. Est-ce que tu t'ennuies des fois de ton chien? Oui, ça m'arrive. Ça arrive. Tu veux comme qu'il se sente pas seul, lui non plus. Ouais. Parce que lui aussi s'ennuie de toi. Hein? Tout à fait. Donc, garde ton animal de compagnie heureux et très satisfait avec Pebby. C'est une gardienne ou un gardien robotisé. P-E-B-B-Y. Il y a un sensor attaché au collier de votre chien avec un jouet interactif. Donc, la Pebby Ball a à l'intérieur un processeur Intel Edison qui va permettre aux parents de contrôler la balle via Wi-Fi. Donc, tu comprends que le collier a un sensor mm-hmm. et la balle est à part de ça. Et tu peux contrôler la balle. Tu comprends? Oui. C'est vraiment cool. C'est donc, vraiment bien. Donc, vous allez jouer avec votre ami quand vous n'êtes pas à la maison. Hmm. Ça fonctionne par Wi-Fi. Donc, j'imagine que la balle et le collier doivent être sur le même réseau. Et probablement, à distance, ouais. Tu peux connecter à la balle. Je trouve que l'idée est cool pour jouer avec la balle avec ton chien. C'est vrai. Bonne idée. Ensuite, des fois, on parle de douche à l'émission. Je sais pas pourquoi, mais les douches, ce sont quelque chose que les gens aiment pimper. Ils aiment s'acheter une douche plus évoluée. C'est vrai. Ou juste plus grande, ouais. Mieux. Économise de l'eau, peut-être, ouais. Des trucs comme ça. J'ai fait l'erreur d'acheter une douche qui économise de l'eau. Ça fonctionne pas? Il n'y a plus de pression. Ah, ouais, c'est vrai. C'est le fun de la pression quand tu prends ta douche pour te laver les cheveux, ça. C'est sûr que ça va mieux qu'un petit jet qui fait fuuu. Faut peser les pour et les contre. T'sais, est-ce que je peux économiser un peu d'eau tout en gardant ma pression? Peut-être que tu économiserais peut-être un petit peu plus d'eau déjà en partant si tu la prenais un petit peu plus froide. J'avoue, ou moins longtemps. Ou moins longtemps. Absolument. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Dans ce cas-ci, c'est un ensemble de douches pour de l'aromathérapie. Oh, OK. Quand tu prends ta douche, est-ce que tu te sens encore stressé? Moi, je trouve qu'une douche, ça déstresse. Moi, une douche, là, ça me déstresse. Ça n'a pas de bon sens. Tout à fait d'accord. Mais si ça te déstresse pas assez, tu pourrais vouloir de l'aromathérapie, comme par exemple sentir, je sais pas, la lavande dans ta douche. Donc, tu vas pouvoir transformer ta douche standard en une expérience qui ressemble à un spa en utilisant cet ensemble d'aromathérapie qui fonctionne avec n'importe quelle douche. Presque. Ça diffuse des huiles essentielles biologiques certifiées par l'USDA aux États-Unis. Donc, ça ajoute ça dans l'eau chaude. C'est comme une genre de, de petite pipette qui est branchée sur le dessus de ta pomme de douche, qui fait le tour de ta pomme et qui va jusque dans l'eau chaude. Et quand tu appuies sur le truc, alors ce qu'on voit la personne appuyer dessus, donc je déduis qu'il faut appuyer dessus pour faire relâcher de l'huile essentielle, et l'eau chaude va prendre la senteur, l'odeur de ton huile essentielle pour faire une expérience inoubliable. C'est une bonne idée. C'est pas pire, tu sais, il y a des odeurs que je préfère à d'autres. Là. Lavande, c'est pas mon premier choix. Oh non, hey, moi, lavande, là. Vraiment pas. Ça me pogne dans le fin fond des poumons. Là, ouais. Non, je suis pas capable. Je pourrais vouloir que ça sente le vin, peut-être. Ah. Hein, les raisins rouges. C'est une bonne idée. Ben justement, ça nous amène au prochain gadget, qui est un verre, une coupe, en fait, pour pouvoir mieux sentir le vin. Mm. Pour améliorer ton expérience de buvage de vin, hein, ton jus de raisin préféré. C'est une coupe avec des trous de ventilation pour améliorer l'airflow, donc le passage de l'air lorsque tu bois. Et il y a un contour qui fait un petit peu comme un masque. Mm-hmm. Tu sais, un masque à gaz là, qui vient sur le côté de ton nez. Là. Donc, c'est fait pour faire le contour de ton visage pour complètement apprécier les arômes robustes de ton vin pour 25$ canadiens. C'est bien. Ça me dit pas le matériau sur la page. Je sais pas si c'est en vitre. On va aller voir si c'est sur Kickstarter. Ça m'a l'air d'être en plastique. Ça a l'air en plastique. En fait, je peux t'avouer maintenant, Tania, avant que tu... De toute façon, tu m'as pas dit que t'en voulais un, là. Ouais. Mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur but. Ils sont seulement à 3 000$ sur 78 000 et ça a finalement été annulé le 3 mars dernier. Point, point, point, point. Tristesse. Les blogs qui parlent de gadgets, on dirait, ne vont pas nécessairement cliquer sur le lien pour savoir si ça a été annulé, mais bon. Ensuite, je devrais faire la même chose. Ensuite, on parle... Tu sais, quand tu vas dans un concessionnaire de voiture... Que tu passes devant, il y a tout le temps une espèce de grosse mascotte en ballon. Ouais, ouais. Qui les bras puis le torse. C'est lettre. C'est vraiment affreux. Mais peut-être en voudrais-tu un sur ton bureau? J'y ai déjà pensé. Ouais, pour vrai. Ou en acheter un pour un collègue fatigant qui arrête pas de bouger, mettons. Là. Appelons-le, mettons, David. Tu pourrais lui acheter ça. Bien, mettons, en travaillant dans un concessionnaire automobile, tu dis que t'en veux un sur ton bureau. J'avoue que l'idée change après quelques années. Ouais, hein. C'est ça. T'as travaillé combien de temps pour un concessionnaire automobile? Un an. Un an, c'était assez. Hein? Ouais. Ouais, c'était assez. On les salue d'ailleurs. Donc, votre mascotte préférée gonflable va passer du concessionnaire à votre espace de travail. C'est disponible en deux grandeurs. C'est fait pour être sur une petite base opérée par un seul bouton. Donc, tu peux l'allumer et l'éteindre avec un bouton. Quand il est mort, éteint, il doit être plate pas mal. Probablement, oui. Si, mettons, tu quittes la journée, elle est terminée, tu te pèses sur le bouton, le bonhomme fait blubble. C'est vrai. C'est pas beau, ça. Non. 65$ canadien, beaucoup trop cher. Ensuite, le matin, quand tu te réveilles, tu veux annuler ton alarme, OK? Oui. Et là, c'est trop facile, t'as un bouton snooze. Ben oui. Il est juste à côté du bouton pour éteindre ton alarme. Hein? Donc, on veut aller au-delà de ça. C'est la Albert Clock qui aide à garder ton cerveau bien actif en vous montrant les minutes et les heures, mais en problème de mathématiques. Oh. Ça montre les heures, comme par exemple ici, 8 plus 10 H pour 18 heures. Et là, tu dois figurer que 18 heures, c'est 6 heures. On est habitué ici au Québec, mais quand même, ailleurs, il y en a qui sont moins habitués. Et 65 moins 9 minutes. Ça ferait 65 moins 10, ça 50, fait 54, 55. Ouais. Ça fait 55. Tu vois? Ça a été un petit exercice pour nous, même à 7h55 le matin. Ça affiche les caractères en lumière LED blanche. Ça offre 4 niveaux de difficulté. Donc, ça peut être de plus en plus difficile, plus tu veux que ce soit difficile. Disponible en 3 couleurs. Ça fonctionne sur un bureau ou sur un mur. C'est disponible chez Maintenance, M-N-T-N-T, pour 300$ américains. Elle est super belle. Mais... 300$ US. Ouais. Dispendieux. Ensuite, c'est dispendieux. Ensuite, tiens, on est allé dans un restaurant du centre-ville ensemble, toi et moi. Oui. Récemment. Et les télés avaient un cadre autour. On s'est fait une fausse date. C'est ça. Le cadre autour de la télé était vraiment cool. Tu me disais même que quand les télés sont éteintes, ça fait des miroirs. Exactement. On sait pas comment ça fonctionne. Je sais pas honnêtement comment ils peuvent arriver à faire ça, mais c'est... J'imagine peut-être que... Non, tu peux même pas faire ça, qu'elle mette une télé derrière un miroir. Non, tu peux pas. À moins que ce soit peut-être une vitre à deux côtés, comme dans les stations de police. Peut-être. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Tu sais, les gens vont dire, genre, « Ah, je pourrais pas avoir genre une application miroir sur mon téléphone. » Là, et, ben, les gens disent, ben, « une application caméra. » Non, non, je veux un miroir. Tu peux pas transformer une vitre en miroir. Ça, c'est ça. C'est physiquement impossible. C'est pas le même matériau. T'sais. Exact. Genre. Bref. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Oui. Du côté de ce restaurant, bar. Ça me tracasse depuis. Ouais, je sais. Faut leur demander. Moi aussi. Si seulement on connaissait quelqu'un qui travaille là. Si seulement il était genre ramasseux de verre. Comment on appelle ça? Plongeant, c'est ça? Plongeant. Buzzbuck? Monsieur Autobus. Donc, pour en venir à notre sujet. Oui. Talia connaît quelqu'un qui travaille là. Bon. Ça s'appelle la Samsung The Frame TV. C'est une télé, mais qui est aussi un cadre. Oui. Qui est fait pour avoir l'air le plus normal possible sur ton mur. C'est grâce au designer Yves Béard. Hein? La télé, à la place de devenir noire lorsque tu l'éteins, va à la place afficher une de 100 toiles artistiques. C'est bien ça. Le contour est interchangeable. T'as aussi le Studio Stand qui va l'aider à avoir l'air encore plus d'un tableau d'art à la place d'un écran. Et grâce à la technologie Invisible Connection, il n'y aura pas d'espace entre le mur et la télé. C'est complètement collé sur le mur. T'es pris sur les côtés, tu comprends? Mm-hmm. Vraiment super bien. C'est un prix à déterminer encore pour l'instant, mais ça s'en vient de la part de Samsung. Ça s'appelle The Frame TV. Ensuite, on parle de cartes d'affaires. C'est cool, c'est des cartes d'affaires qui vont sur une table tournante. Mm-hmm. C'est une carte animée par Drew Tetz. Drew Tetz. Vraiment cool. Pour voir l'animation, en fait, il faut mettre la carte d'affaires sur une table tournante. Mm-hmm. Sous une lumière vraiment brillante. Il faut voir ça via la lentille d'une caméra. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui vont pouvoir le voir en tant que tel, à moins de vraiment se forcer. Vraiment, c'est vraiment compliqué, c'est ça? Ouais, un peu. La carte d'affaires est carrée. Et là, avec un canif, tu dois faire une fente en forme de plus ou de X dans le milieu là où c'est inscrit. Ouais. Tu viens peser sur la croix et tu mets ça sur un vinyle, sur un lecteur de vinyle, mais aussi sur un disque sur le vinyle. Et quand ça tourne, tu vois, par exemple, ici, il y a des petits chiens qui courent, un chien saucisse. Mais seulement quand ça tourne. Et c'est fait pour être synchronisé avec le tour par minute de ton lecteur. Ouais. Bref, c'est super cool. Il faut voir ça devant une lumière très brillante, comme j'ai dit. C'est cool, mais ça demande de l'effort pas mal. Ouais, c'est ça. Ensuite, si t'avais des enfants, Tania, tu voudrais les empêcher d'avoir des chocs électriques. Oui, c'est quelque chose qui, en effet, j'essaierais de. C'est beau les enfants avec les cheveux sur la tête, là, mais à un moment donné. Oui, c'est ça, exactement. Faut faire ça autrement. Donc, à la place d'acheter des petits bouts de plastique que tu vas mettre dans les prises, ou encore, je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de bloquer tes prises de courant, je sais pas. Mais ici, pour cacher tes prises de courant, c'est simple, c'est comme une prise, c'est comme une plaque normale, sauf qu'elle est noire au lieu d'être blanche. Mm-hmm. Et la prise, en tant que telle, est sur un bouton pressoir. Donc, en tant que telle, la plaque a l'air flush avec le mur. Et quand tu appuies sur le bloc du milieu, ça va faire sortir les prises sur les côtés. Et ce qui est encore plus cool, c'est que tu vas pouvoir installer des blocs d'alimentation sur les côtés. Mm-hmm. Tu comprends? Parce que la prise est sur. Elle va sortir du mur. Donc, si tu mets un bloc d'alimentation en haut ou en bas et sur les côtés, ça va pas empêcher les autres de se brancher. Contrairement à une prise normale sur le mur où tu peux juste mettre souvent un bloc d'alimentation. Donc, c'est un pop-out outlet qu'on appelle super minimaliste, super joli. Et évidemment, quand les prises sont cachées, moins de chances que tes enfants sachent que tu peux ouvrir ça en appuyant dessus. 70$ canadien. Ensuite, continuons avec un toaster pour les tortillas. Oh mon Dieu, il est donc bien beau. Ah, il est très très beau, très futuriste, très, je sais pas, stainless. Oui. Je dirais, vraiment mignon. Ça s'appelle Nuni, N-U-N-I. Après le Tets, là, t'as la Nuni. Oh mon Dieu. Les tortillas sont très à la mode, donc le tortilla toaster, oui, arrive. Pour éliminer les problèmes qu'on a avec faire tourner tes tortillas d'un bord puis de l'autre pour les faire griller des deux côtés. Donc le Nuni va griller les deux côtés jusqu'à 6 pouces de tortilla, que ce soit au maïs, à la farine ou au blé, simultanément en environ une minute, exactement au degré mm-hmm. que vous voulez pour qu'elle soit foncée ou moins foncée. Et lorsque le cycle est terminé, l'intérieur du toaster va faire une rotation vers l'extérieur pour relâcher les tortillas immédiatement pour pouvoir être consommées et en charger 6 autres, voulant dire que vous allez pouvoir faire un nombre illimité de burritos et de tacos. Oh. À Nuni pour 80$ US. J'adore ça. Pour vrai, si vous êtes pour manger souvent des tortillas, ça prend de la place sur un comptoir comme appareil, mm-hmm. mais quand même. Ouais. On est rendu là en 2017, Tania. Ton extincteur de feu n'est pas assez à la mode pour toi. C'est vrai. C'est rouge, on n'aime pas ça. Ouais. C'est plate. Donc voici les Safety, S-A-F-E, trait d'union T, sur safety.us. C'est une ligne d'extincteurs à la mode de designer. Ça coûte entre 100 et 200 $ américains. Et ça vient en toutes sortes de designs, que ce soit une bouteille de vin. Tu peux avoir littéralement une bouteille de vin qui vient éteindre un feu. Mm-hmm. Bouteille de ketchup. Emballage de cigares, canne de soupe tomate, mm-hmm. Confiture de fraises et camouflage. Ooh. Bien sûr, pourquoi pas? Rien pas à dire fou. De plus. Entre 100 et 200 $. Je sais pas pourquoi il y a une variété de prix par rapport au design, mais bon, que voulez-vous? Ensuite, quelqu'un a inventé une moumoute. Oui. Pour les surtout les gars qui ont les cheveux un petit peu, comment dire, calvitiants. Oui, oui, oui, oui. Déficients du cuir chevelu. Du cuir chevelu. On va se dire. Donc, c'est une moumoute à l'épreuve de l'eau qui ressemble à des vrais cheveux. OK. Tout ce qui est plus simple à dire, rien d'autre que ça, à part de dire que ça coûte 1460 $ américains. Et qu'il y a une démonstration vidéo sur assemblagerequis.com qui, moi, de mon côté, n'a pas envie de jouer. Mais quand même. Ça a l'air vrai quand c'est bien placé. Ouais. Mais bon. Ensuite, continuons avec une boîte de prompt rétablissement. Tu sais, les boîtes qu'on achète sur Internet toutes faites qu'on peut faire livrer à quelqu'un ou à soi-même. Dites à un être cher que vous les aimez et que vous voulez qu'ils se remettent très rapidement de ce qui leur fait bobo. Hein? Mm-hmm. Comme une clavicule déplacée à cause d'un accident de voiture. Oui. Donc, chaque petit emballage vient avec un paquet de goodies, comme du popcorn de cheddar blanc, une balle anti-stress, de la soupe poulet et nouilles, ah, évidemment. Ah, ben oui. Et un petit ourson en plus. Oh, mignon. Et comme ça, t'as pas à réfléchir et acheter chaque affaire individuellement, tu fais juste acheter ça puis tu y envoies. C'est vrai? Il y en a pas de problème. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette chronique de Sex Fest, ça ne devrait pas, on l'a. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1100 aujourd'hui. Ouh, 1100! J'aime ça les chiffres. Déjà? Bon. Ouais. Oui, t'en as vécu, vraiment pas beaucoup. Dans les comptes, on écoute un petit peu de musique avant de passer à ta chronique, Tania. Bien certainement. On écoute une pièce qu'on dédie à ton vieux chien tantôt, toi, avec lequel tu vas pouvoir jouer avec une balle Wi-Fi. Bowie, voici This Old Dog par Matt DeMarco. Assemblagerequis. Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come and these times go. As long as I live, all you need to know is this old dog ain't about to forget all we've had and all that's next. Long as my heart's beating in my chest, this old dog ain't about to forget. Often a heart tends to change its mind. New day decides on a new design. A new day gets set on another way. As long as I live, all I've got to say is this old dog ain't about to forget all we've had and all. Long as my heart's beating in my chest, this old dog ain't about to forget. Tout le monde parle de lui, c'est Mac DeMarco avec This Old Dog à Assemblage Requis. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain ya. Assemblage Requis. Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89 ans. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Requis, on est mardi 25 avril 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. On se rencontre plus le temps avance, un peu comme moi quand j'ai eu mon accident, quand je suis tombé sur le bras, tu t'en souviens, oui. Il y a un mois et demi. Oui, je m'en souviens, j'ai réalisé, animé seul. on a réalisé en direct le jour même la douleur qui commençait pendant que je faisais Assemblage Requis. Là, ta douleur de l'accident d'hier commence à faire son effet, le mal de dos, la clavicule. Oui, exact. C'est, ben, en fait, quand c'est arrivé... quelques minutes après, là, je te dirais que ma clavicule a commencé à faire des petites siennes. Ouais. On va suivre le dossier. Hein. Oui, tout à fait. Ben, je crois pas que ce soit... Je pense plus que ce soit des courbatures, là, vu que mon dos est allé cogner dans la porte. Ouais. Donc, évidemment, dans une porte d'une poignée puis tout ça. C'est sûr que c'est pas censé se ramasser là en temps normal. Mais tu sais, je pense pas que j'ai quelque chose de cassé, là, juste au niveau des muscles, ouais, musculaires. Les muscles musculaires. Non, mais au niveau de la musculature. T'es voilà. Pas un médecin, puis t'en joues pas une heure et non plus. Hein? Oui, non, ça, tout à fait. Musculaires. Les muscles musculaires. Hey, on va t'écouter un petit peu plus parler, oui, Tania. Tout à fait. C'est à ton okay. tour. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-da-ta-ta. Oh, oui. She's gonna entertain ya. C'est la première chronique de cette semaine en ce mardi, Tania. Oui, tout à fait. On a pas eu le temps hier. C'est vrai. Malheureusement, donc on reprend la chronique que tu aurais fait hier sur une nouvelle tendance musicale. Oui, nouvelle tendance musicale, du moins une nouvelle tendance de concert, ah, je te dirais, Mathieu. C'est le fun parce qu'Internet, ça a quand même changé la manière dont on peut s'informer sur la musique. Entre autres, comment est-ce qu'on peut la télécharger, comment est-ce qu'on peut l'écouter, comment est-ce qu'on peut l'acheter. Mais ce que ça n'avait pas encore révolutionné, c'est la façon dont on peut la regarder. Ah. Donc, évidemment, si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir les vidéos maintenant. Là, ça, c'est quelque chose que oui... Okay, c'est pas nouveau, la vidéo. C'est ça, la vidéo, ouais. c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, il y a un nouveau concept derrière le type musical qui commence à faire sa place un petit peu partout de façon mondiale. Ça se voyait quand même un petit peu en Amérique latine avant et aussi apparemment en Europe. Par la suite, les États-Unis ont commencé à en faire vraiment la grande expertise, je te dirais. Puis au Canada, c'est quelque chose qui devient de plus en plus branché, c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus connu, c'est les fameux concerts maison. Ah, oui. Les concerts maison, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, ça le dit, là, l'expression lui-même le dit. En fait, c'est un concert qui est offert par des musiciens professionnels dans la plus grande pièce de notre maison et en temps normal, bien ça, c'est le salon. Donc, c'est pourquoi ça va s'appeler un concert maison. Et il y a des effets essentiels, en fait, au sujet des concerts maison. Par exemple, la plupart des concerts maison en temps normal vont être présentés sans système audio. Ah. Donc, à la base, si vous décidez, par exemple, de faire un concert maison, eh bien, souvent, ça va être une formule acoustique. Mm-hmm. Ça peut être sous forme de solo, sous forme de duo ou encore de trio ou avec le band en temps normal. Mais à l'occasion, il y a un artiste qui va pouvoir, par exemple, amener un petit amplificateur pour un clavier ou un instrument un instrument bien spécifique ou tout simplement pour appuyer la voix, mais en temps normal. Habituellement, les concerts maison, ça se fait de façon acoustique. Un concert maison aussi, c'est couronné en bien souvent et généralement du succès qu'on va reposer sur l'enthousiasme et sur les efforts que les autres vont mettre pour présenter justement cet artiste qui va être souvent de renom dans notre propre salon. Parce que bien souvent, un concert maison, bien, ça va amener quelques préparations. Bien évidemment, on va devoir amener les gens chez nous. On va devoir aussi préparer, ça dépend à quelle heure on fait ça, mais on va pouvoir préparer à un certain moment, peut-être un petit buffet, quelque chose. Donc, la réception des autres, ça porte beaucoup aussi sur le succès de cet événement-là, qui est le concert maison. Les autres de concert, bien, on va en faire, par exemple, la promotion dans les gens autour de nous, dans notre collectivité. Donc, les gens avec qui on travaille, notre famille, nos amis proches. C'est comme ça que ça va se passer la plupart du temps. On va aller voir nos contacts les plus personnels. On va les contacter souvent par téléphone, par courriel ou encore par Facebook. Là, le fameux bouche à oreille qui était si connu dans le temps, eh bien, ça fonctionne très bien pour le style de concert maison. T'as pas besoin de t'as pas tant de place que ça, de toute façon, donc tu peux pas avoir 1000 personnes à ton exactement. Spectacle. Exactement. Ça va être facile de trouver quand même une dizaine, quinzaine de personnes. Tout à fait. C'est quelque chose auquel je voulais arriver. Les concerts maison, en temps normal, il y a des concerts maison qui vont se donner jusqu'à 25 personnes, tout dépendant de la grandeur, bien évidemment, de votre maison. Mais on peut aller jusqu'à 60. Ah. Si on va au-delà de 60, ce n'est plus un concert maison. Mm-hmm. Et là, je le fais vraiment entre guillemets pour ceux qui sont sur la caméra 3. Parce qu'après ça, on tombe dans une formalité de salle. Il faut un permis, j'imagine. Exactement. Pour au-dessus d'une soixantaine de personnes, en temps normal, ça serait un concert en salle. Donc, on peut malheureusement pas appeler ça un concert maison. C'est vraiment entre 25 et 60 personnes pour qu'on puisse qualifier ça d'un concert, d'un home show, comme on appelle aux États-Unis. Un concert maison, comme je le disais, ça va vraiment fonctionner selon le bouche à oreille qu'on va y donner parce qu'évidemment, même si on a, par exemple, un artiste de renom, eh bien, si on titille pas les gens autour de nous, malheureusement, on peut pas vraiment en faire une grande publicité parce que ça va devenir de la publicité pour un spectacle. Ouais. Et c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut garder vraiment cette ambiance-là qui va être de quasi feutré à certains moments dans le confort de notre maison. Donc, c'est un petit peu différent que de la publicité pour, un spectacle à la salle Anaïs Alors Rousseau. Là, tu te promènes pas avec tes flyers sur le coin de la rue pour les donner à tout le monde qui vont passer. Ouais. Parce qu'un concert maison, c'est intime. C'est intimiste. On mise vraiment là-dessus. C'est dans les bases du concert maison. On veut que l'artiste ait une proximité assez proche, justement, avec les gens qui vont se retrouver dans cette salle-là, dans cette maison-là, bien évidemment. Et c'est le concept, à la base, qui a voulu être développé. C'est cette fameuse intimité-là qu'on peut avoir en tant qu'artiste avec les gens qui vont nous écouter. Ce qu'il faut savoir aussi, de base, pour un concert maison, un home show, c'est que les concerts maison, c'est pas gratuit. Non, c'est ça. Faut payer l'artiste, j'imagine. Exactement. Il s'agit, en fait, de prestations d'artistes. Un concert d'artistes professionnels. La plupart du temps, on va retrouver des concerts maison lorsque les artistes vont être en tournée. Où ils vont avoir, par exemple, passé toute leur vie à perfectionner leur art. Donc, c'est vraiment des moments différents. Ça va surtout aussi différer de l'artiste qui va venir chez vous. Il y en a qui vont décider de faire, par exemple, des home shows quand ils vont avoir un creux de tournée ou tout simplement quand ils vont être entre deux tournées. Mmh. Souvent, tu vas arriver à la maison, tu vas te dire en tant qu'artiste, « Bon, ben il me reste, 3 mois avant de retourner en tournée. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant ce temps-là? » Eh bien, à ce moment-là, s'il y a des gens dans l'entourage de l'artiste qu'ils connaissent très bien ou qui la connaissent très bien, et c'est là que justement les concerts maison peuvent commencer à arriver un petit peu plus. Les concerts maison aussi, ça a 3 objectifs. Donc, on contribue bien évidemment au gagne-pain des artistes qui vont venir à la maison pour pouvoir faire un spectacle. On va aussi rendre la musique accessible au niveau local. Et on va créer des liens entre les gens. Donc, on va faire une espèce de moteur social qui va contribuer à développer les collectivités. Parce que si vous vous dites que vous allez faire un concert maison, vous allez inviter, votre cousine avec son chum, leur enfant, vous allez tout payer votre entrée. Mais qui dit que le mois prochain, bien, ça sera pas chez eux? Parce qu'eux vont vouloir vous faire découvrir un autre artiste. Donc, il y a une espèce de communauté de gens qui se développe comme ça de plus en plus à travers l'Amérique du Nord qui décide de faire une espèce de tournée de concerts maison parce qu'on fait une diversité des styles musicaux tout simplement. Donc, quelqu'un peut très bien apprécier le rock, l'autre personne va très bien apprécier par exemple la pop, mais on va décider d'en faire un concert maison pour justement attirer les gens à savoir qui sont ces artistes-là. Et ce qu'on voit en Europe, bien, c'est ce concept-là qui se fait en appartement. Donc, qu'est-ce que c'est exactement du côté de l'appartement? Eh bien, c'est qu'on va vraiment amener les gens pas simplement dans une pièce de notre maison, mais on va vraiment les amener, parce qu'en France, on le sait, là, les appartements, c'est pas extrêmement gros, en France, en Europe ou peu importe. On va les amener dans notre appartement, mais souvent, ça va être la maison des artistes. Ah, OK, chez eux. Oui, exactement. C'est la Bronze qui a fait ça récemment à Montréal. Avec son piano. Avec son piano chez elle. Elle a invité les gens à venir chez elle pour un concert intime dans ce style-là. C'est calculé comme étant un appart show. Okay. C'est un petit peu la même chose qu'un concert maison. Par contre, comme je viens de le dire, en France, vu que les salons sont pas extrêmement grands, bien, ça devient que c'est dans ton appartement au grand complet. Là, tu peux très bien avoir 3-4 personnes en cuisine, 2-3 personnes du côté de ton salon, puis par exemple une dizaine dans ta salle à coucher parce que c'est quasiment toute la même pièce. Bien, de ce côté-là, en Europe, c'est ça qu'on va voir. Ce sont des appart shows où la plupart du temps, ce sont les artistes qui vont être émergents, les artistes qui vont essayer de se faire connaître, qui vont organiser ce genre de soirée-là. Ici, du côté de l'Amérique du Nord, c'est vraiment un petit peu plus différent. On va y aller avec des artistes qui ont déjà une renommée, qui sont déjà connus pour la plupart parce qu'on veut justement attirer le plus grand nombre de personnes possible. Mais c'est surtout la personne qui va être l'hôte, qui va décider qui va venir chez elle. Donc, par exemple, si, je sais pas moi, je décidais de faire un concert maison chez moi, mais je veux que les gens découvrent le style musical de la bronze, bien, je communique avec la bronze, j'essaie de voir si c'est quelque chose qui l'intéresse. Bien évidemment, la plupart du temps, les gens qui vont organiser un concert maison ont déjà une porte d'entrée dans le monde de la musique, quelques contacts au niveau artistique pour pouvoir justement savoir si ce sont des artistes qui sont intéressés par ça. Sinon, ce qui est important aussi, pour si jamais vous avez l'idée de faire un concert maison, c'est de vous informer sur les pages respectives des réseaux sociaux des artistes. Parce que la plupart du temps, il y a des artistes qui vont l'offrir sans même à ce que vous ayez à leur demander. Ah. Ça va être en fait une sorte de formule spectacle que eux sont prêts à donner. Il y a des artistes qui sont habitués de le faire. Il y en a d'autres qui commencent à le faire, qui découvrent ce côté beaucoup plus populaire-là qu'il n'y avait pas nécessairement dans les dernières années. C'est vraiment quelque chose qui a été changé grâce à Internet parce que ce sont des réseaux qui créent des liens, des expériences. Et tout ça, c'est venu justement avec la venue qu'on pouvait se ramasser dans notre salon à enregistrer une chanson, la mettre sur YouTube, par la suite la poster sur Facebook. Ça fait le tour. Et là, on découvre une artiste, on se dit « Hey, attends, là. Moi, je suis prête à payer, puis je suis pas mal certaine qu'il y en a pas, il y en a pas mal d'autres qui sont prêtes à payer pour voir cet artiste-là. Mais j'ai pas de salle, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Ben, je l'ai invité chez nous. » C'est tout simplement. Dans le temps, on voyait des artistes se faire donner un cachet pour, par exemple, venir chanter à l'anniversaire de quelqu'un. Ouais. Et c'est un petit peu le découlement de ça aussi. C'est qu'on se dit que, bien évidemment, le talent d'un artiste, ça se paye. On le sait, c'est leur gagne-pain. Donc, on peut pas décider de faire un concert maison entièrement gratuit, à moins de nous-mêmes décider d'en assumer tous les frais. Un concert maison, c'est sûr et certain que ça va engendrer à un certain point une demande de prix pour les gens qui vont venir. Parce que, bon, on vient de le dire, il n'y a pas grand artiste qui vont décider de le faire de façon gratuite, à moins que ce soit vraiment un très bon ami de la famille. Mais en temps normal, pour eux, c'est une prestation. Ils sont là pour être près de vous. Ils sont là pour vous donner un très bon show de musique. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus intimiste. On veut vraiment s'intéresser à notre public. Et souvent, ce que ça va engendrer, c'est une communication qui va être beaucoup plus grande que dans une grande salle de spectacle pour certains artistes. Ça va permettre de pouvoir, par exemple, parler un petit peu plus de leurs nouvelles chansons, de les présenter un petit peu plus longtemps qu'on aurait pu faire, par exemple, sur un spectacle en salle où on sait qu'on doit terminer, par exemple, à, je sais pas moi, je dis ça comme ça, là, à 11h. Donc, de ce côté-là, ça amène vraiment un fort potentiel pour tout ce qui est intimiste, tout ce qui est communication entre le public et l'artiste. Et aussi, souvent, ce qui va être le fun, c'est qu'on va interagir avec le public, mais le public va interagir avec l'artiste. Ouais. Donc, ça va amener... que ce soit des divergences d'opinion ou tout simplement des demandes spéciales. Ce sont le genre de situations auxquelles on peut très bien voir quelque chose arriver comme ça dans un concert maison. Comme je le disais, en Europe, c'est un petit peu plus le concert en appart, qui est nouveau. Ça fait quand même son entrée au niveau de la France, de l'Europe et tout ça. C'est pas quelque chose qui était très, très gros. C'est venu avec surtout les do-it-yourself. Tu sais, quand tu te dis que tout le monde voulait à un certain moment, je sais pas moi, faire son propre lit, faire ses propres affaires, bien, il y a certaines personnes en Europe qui ont décidé de créer leur propre concert et c'est comme ça que ça allait découler. C'était beaucoup plus gros au niveau des États-Unis que ça l'était au niveau de l'Europe, mais c'est un concept qui vient quand même même de là. Justement parce qu'on se l'est approprié ici en Amérique du Nord, on l'a grossi et par la suite, l'Europe a fait « Oh, attends, c'est pas pire pantoute de la façon que vous l'avez adapté. Je pense qu'on va se le réapproprier un petit peu. On va le changer à un certain moment, puis on va en faire un concert en appart. » Pourquoi est-ce que je vous parle des concerts en appart? Ouais. C'est simple, c'est parce que cette fin de semaine, l'animateur de Très Blues Assez Fou, Denis Baudin... Le nom de famille me dit quelque chose. Je sais bien pas c'est qui. A décidé de faire un concert intime, un home show, avec l'artiste blues international Paul Deslauriers. Paul Deslauriers, à la base, il a un band qui s'appelle le Paul Deslauriers Band. Mais par contre, cette fin de semaine, c'était vraiment la formule Paul Deslauriers en tant qu'artiste individuel. Donc, il y avait simplement lui et ses guitares. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'en temps normal, c'est un concert acoustique. C'est sûr que si on y va pour un concert blues, bien, on est allé chercher des colonnes de son. C'est ça, quelques instruments pour que l'on puisse vraiment faire ressortir les belles couleurs de la musique blues, de la chanson blues aussi. Et c'était vraiment très intimiste. Donc, de ce côté-là, il y a plusieurs formules qu'on peut faire pour avoir un concert maison. Mais je pense que celui qu'on a eu cette fin de semaine, c'était un concert qui valait la peine d'être vu. Et on était approximativement une vingtaine, trentaine dans le sous-sol chez mes parents. Ouais. C'était quand même assez drôle, mais c'était un concert qui aurait très bien pu être présenté ailleurs. Ce qu'on veut dire, c'est que lorsqu'on a un artiste justement de renom tel que Paul Deslauriers, qui est un des plus grands guitaristes blues en Amérique du Nord présentement, terminé deuxième au festival blues à Memphis, bien, tu te dis que t'as quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait chez vous et qui peut t'offrir un excellent spectacle, et c'est ce qui est arrivé. Mais on avait toujours cette formule intimiste-là, intime, où les gens ont extrêmement apprécié la proximité qu'on avait avec Paul, et on l'a fait sous formule aussi après-midi, le dimanche après-midi. Bien souvent, un concert maison, ça va se faire le soir de fin de semaine la plupart du temps, parce que tu dis que les gens sont beaucoup plus disponibles à ces moments-là, mais nous, on s'est dit on va y aller pour l'idée qui suit la messe, donc on va faire une après-messe, et ça a été drôle parce qu'il y a eu quelques gags par rapport à ça. Paul Deslauriers disait le corps du Christ, voilà. Mais ça donne une autre formule. Ça l'a comme donné une formule un petit peu après-midi printanière, justement. Ça a amené le début de l'été. C'était vraiment très bien fait. J'ai adoré ce style de concert-là. Comme je le disais, c'est intime. Donc, à un certain point, tu te sens quasiment plus interpellé par les chansons qui te sont livrées que lorsque tu vas te ramasser, par exemple, dans une immense salle de spectacle, comme pourrait être, par exemple, le Centre Bell. Là, je dis ça comme ça. Tu vas à un certain point te sentir beaucoup plus près de l'artiste que si tu allais le voir dans une immense salle. Et bien évidemment, tu es entouré des gens autour de toi que tu connais. Ouais. Donc, ça amène aussi cette fameuse proximité-là avec l'autre personne à côté de toi, de dire « Hey, t'as-tu aimé ça? C'était vraiment écœurant. C'était bon. C'est venu me chercher et tout ça. » Et c'est le fun parce que tu peux voir aussi les réactions du public beaucoup mieux en tant qu'artiste que lorsque tu es dans une grande salle. Ouais, t'as pas les lumières qui t'aveuglent et tout. Exactement. Donc, la réception du public, certains artistes vont utiliser cette forme là pour pouvoir tester certaines de leurs nouvelles chansons ou nouvelles pièces pour voir jusqu'où on peut aller avec le public, interagir avec le public ou tout simplement la réception du public face à une nouvelle chanson. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, faites une recherche sur Internet sur ce qu'est le concept des concerts maison, qui peut être intéressé en tant qu'artiste avec un concert maison. Et comme je vous le dis, bien, c'est pas quelque chose qui est gratuit, donc il faut s'attendre à ce qu'à un certain moment, certains amis vont me dire « Non, mais je suis désolée, j'ai pas nécessairement l'argent si on décide de faire un concert maison. » Mais pensez tout le temps dans l'optique à laquelle pour l'artiste, bien, c'est un concert qui va pouvoir justement l'aider soit à se faire connaître ou à pouvoir amener du pain sur la table. Mais ça peut être rentable si tu charges un bon montant puis qu'il y a assez de gens qui tout se présentent, tu peux payer l'artiste puis au moins t'arrives juste dans ton argent. T'sais. Exactement. Moi, je te suggère d'aller entendre une pièce du concert de dimanche après-midi, pourquoi pas. Aller entendre ce Paul Deslauriers susmentionné là. Avec sa pièce Nobody's Fault But Mine, en direct du sous-sol des parents de Tania Moon. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Trying to raise Paul Delaurier avec Nobody's Fault But Mine en direct du sous-sol de Denis Baudin lors du show caché, presque, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est avec une maison de Paul Delaurier. Tu me disais que c'était intéressant quand même parce que ton père avait l'air d'être très bien équipé. Il y avait un rideau noir en arrière, des colonnes de son, des jeux de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, mon voisin est un soundman professionnel. Ouais. Donc, lorsqu'il a su qu'on faisait un concert intime en sous-sol comme ça, bien, on nous a amené un petit peu d'équipement pour que l'on puisse avoir un beau spectacle pour donner aux amis, en fait. À la place de vous trouver un bon artiste, trouvez-vous un bon soundman. Puis prenez n'importe qui. Prenez Jean-Carmen Campagne. Oui, parfait, exactement. Bon. Mais non, mais là, on avait vraiment la combinaison ouais. parfaite. Bon son avec excellent artiste. Ça a donné un show qui était exceptionnel. Si vous aimez le blues, là, ouais. c'était fou. Allez voir quelques vidéos sur Internet du Paul Delaurier Band. Excellent. Ouais. Absolument. C'est le chroniqueur Steven Hubert qui a posté cette vidéo-là sur oui. Facebook et on le remercie. Et on a choisi de le diffuser sans lui demander. si vous aimez le blues, tu l'as dit, écoutez donc Très Blues, assez fou les jeudis soirs. Sur nos ondes, ça continue jusqu'à la mi-mai, si je me trompe pas. 11 mai, dans ces coins-là? 11 mai, oui, exactement. Oui, 11 mai. On va dire mi-mai, comme ouais, ça, mi-mai. Ça va être safe pour tout le monde. Donc, c'est les jeux de soir entre 19h et 22h avec Denis Baudin. Soyez-y, Très Blues, assez fou. Ils ont une page Facebook aussi. Oui. Alors, on prend une pause. Au retour, ce sera David Ferron et sa chronique de la carte Bleacher. Restez là. Assemblage requis, émission matinale à Cifou 89.1 FM avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Mais il y a aussi David Ferron qui vient de joindre Salut. Nous. Salut! David, qui est tellement... il est là, puis il écoute son téléphone en même temps, puis il parle aux gens, puis on sait pas trop, là. C'est pas ça qui vient de se passer, ouais, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il y avait un mot que je devais dire. Oh! Drama chronique, mais je savais pas trop le prononcer, ça sonnait un peu allemand, donc je voulais être sûr de pas me massacrer le mot. Ben, puis on t'a pas laissé l'occasion d'en discuter avec nous avant non. qu'on rentre en onde, c'est ça? Mais donne-nous un avant-goût pour qu'on sache ce qui s'en vient comme mot tantôt, là. En fait, ça a rapport avec un groupe des Laurentides. Juste le mot. Roserac. Roserac. On dirait Goldorak, mais oui. dans la version... Je pense que c'est un nouveau super-héros de DC. Quand c'est même. Ça, exactement. Goldorak! Mais c'est ça, ça part... En fait, Roserac, ça serait en lien avec un test de psychologie. Oui, c'est Rorschach, en fait. Roserac. On dit Rorschach, d'habitude. Rorschach. Partout dans la vie, c'est... Ouais, c'est ça. Fais jouer ça. Rorschach. Mais que là, mon russe n'est pas à point. Ouais. Mais tu as sûrement trouvé la façon en anglais de le prononcer. En anglais, on dit Rorschach. Mais est-ce qu'en français, on dit Rorschach? Ça serait pas plus en allemand. Probablement. Ça ouais. sonne allemand un peu comme nom. Ça dépend. On va vérifier qui est Rorschach. Rorschach. Rorschach. C'est le gars qui est parti Radio Shack. Il s'appelait Rorschach. C'était son nom. C'est pour ça quand on dit, tu sais, mettons, dans un magasin, ça va dire genre 2,99 chaque. Ouais, ça vient de chaque. Ross chaque. C'est ça. Voilà. David, t'es prêt? Je sais plus, hein? Rorschach. C'est toujours de hockey, ça, Rorschach aussi. Voici la chronique de David Ferron, la carte Bleacher. Bleacher. brosse schlack. J'ai cassé schlack. Schlack, oh. C'est pas des zigotos, ça, le schlack. Schlack. Non, il y avait un quiz à Canal Famille qui s'appelait schlack. Ah, oh, mon Dieu, ça se peut. Eh, je me rappelle pas de à ça. À Canal Famille. Moi, schlack. Ça fait longtemps. Changeons ça. L'arbre. Schlack. Oui, quand t'étais pas. Quand t'es né, Tania, c'était pas déjà vrac? Non. Hey, franchement, c'est, ça a commencé en famille. 2001, Canal. Je vrac. Sais, j'exagère. C'est juste pour dire à quel point ta jeunesse. Hey, one minute, là, j'ai connu Izigoto, OK? Ouais. J'ai connu Bibi et Geneviève. Ah, ouais? Que... Ben oui. Bibino et Geneviève. J'ai dit Bibi et Geneviève. Je pense pas que t'étais si vieille que ça. Oh. Ben là. C'est une blague, Tania. Je suis très vieille. On est tous des vieux quand même, ben oui. Plus que d'autres. Selon mon père, je suis une pédophile. Oh. Oui, oh, oui. Salut les millennials qui nous écoutent. Les maudites millennials. Donc, David, t'as sorti ta petite feuille pliée en à peu près 16 de ta poche. Oui. Pour nous faire une chronique de la carte bitchée. C'est quoi ce qu'on parle aujourd'hui? De la musique. Ah! Oui! J'ai des beaux sujets en radio. Pas pire. Ben oui, je pourrais parler de bien-être et de confort ou encore de prothèses auditives, mais c'est pas dans mon domaine. Non, non, non, non. Prothèses auditives. Oui, merci. On parle de musique, mais quel genre de musique? C'est trois... Ben en fait, il y a du francophone là-dedans, une toune, puis le reste, ça va être de l'anglophone. Uh-huh. Je vais devenir le BBF de la CRTC aujourd'hui. Le BFF. BFF. Je suis tombé, mais là, je sais pas, hein. Tu cherches la prononciation de Rorschach et tu es sûr que c'est Rorschacher. Puis là, tu dis BBF au lieu de BFF. Je pense BFF. Que c'est une certaine dyslexie, je pense. Hein? Oui, peut-être. Ouais, auditive. Et, Thieu Matt. Thieu Matt. Ouais. Ouais. Alors, Thieu Matt, en fait, je vais vous présenter des tunes. Ça va être des brefs présentations. Cool. OK. On t'écoute. Bref, oui, c'est ça. Oui, d'abord, tu il y a... disais? Ça commence mal, ma chronique. Ça, ça paraît que tout est fait à dernière minute. Lâche pas, ça. Tu vas l'avoir. C'est la fin de session pour tout le monde. Oui. Mais au moins, t'es là, toi. J'essaye. Contrairement à bien d'autres. Ouais, mais moi, j'ai fini ma scolarité. C'est ça. J'ai fait des fêtes là. Oui, t'as ton secondaire à 5. Oui. C'est pas vrai. Entre autres. C'est pas vrai du tout. Entre autres. Mais je suis dyslexique. C'est ça. Ben oui. C'est chacun ses problèmes. Oui, hein. Donc, je vous présente d'abord Aramis comme la personne qu'on retrouve dans les 4 mousquetaires, mais ils sont 6 parce que c'est un sextet. Oh wow. Avamis, c'est aussi ce que je me mets dans le nez tous les matins avec mes allergies. De l'Aramis? Avamis. Ah, je savais pas... Fait d'hiver. Ah, OK. Très intéressant. Mais maison. Donc, Aramis, c'est un, justement, c'est un groupe des Laurentides. Je n'ai pas trouvé la ville. Il faudrait que je clique un des noms des membres que je trouve sur Facebook dans la ville qui vient. La région, c'est en masse, tu sais. Ben, c'est toujours... Mais en tout cas, on sait qu'ils ne viennent pas de la Mauricie ni de la Côte-Nord, donc des Laurentides. Et les 6 membres se connaissent depuis l'adolescence, mais c'est seulement qu'au Cégep en 2014 que le groupe se forme officiellement. Et on pourrait dire que ce serait comme une espèce de groupe aérien québécois, encore un autre, on pourrait dire ça. Okay. Aérien? Mais aérien. Seulement des concerts dans des aéroports. Non, dans le sens que ça flotte, qu'on est au-dessus. C'est pas de la folk lourde. Ouais. C'est un peu comme Carquois, c'est un peu aérien. Ah, très bon exemple. Oui, c'est ça que je l'ai dit. Je sais pas si vous comprenez mieux ce que je veux dire pendant Maintenant, que je suis distrait par Ouattatatao. Non, c'est Schlack. Oui, c'est Schlack. Ah, c'est parce que le gars jouait dans Ouattatatao. Oui. Mais oui, on le sait, ça. Faut pas que tu le dises. C'est une surprise. Ah! C'est une surprise. Ouais, mais Tania, tu m'as pas dit que c'est une surprise. Mais oui, mais c'est parce que t'es censé regarder ta feuille, pas mon ordinateur. J'ai un TDAH. J'ai un TDAH, Tania. Il est tout le temps en train de dire qu'il y a un TDAH. C'est tu vrai. Peux pas ne pas le c'est savoir. C'est pas une excuse. Oui. C'est une explication. C'est une explication, ouais. Ouais, mais faut comprendre les conséquences. Donc, de gâcher des surprises, c'en est une. On comprend très bien les pas conséquences. Si tu mêles de tes enfants. Ça, c'est une question, David, c'est une question de jugement, ça, OK? Exactement, c'est pas une question de TDAH, là. C'est pas parce que t'es déconcentré. Même quelqu'un qui a pas de TDAH pourrait être facilement déconcentré et dire « Hey! On va parler de Schlack tantôt pour faire jouer l'introduction en nom! » Ouais, mais c'est toi qui as dit Schlack, moi, j'ai rien dit. Hey, ils sont-tu bons pour se défendre avec leur TDAH, hein? Très bon. Imagine si les gens qui avaient la syphilis disaient tout le temps ça. J'ai la syphilis, moi, ça. Je m'excuse, j'ai la syphilis. Pas de ma faute, j'ai la syphilis. Pas de ma faute. J'ai le doigt. J'ai la syphilis, j'ai le doigt. Hey, mais c'est tellement vieux, là, j'ai le doigt. Je sais pas pourquoi c'est redevenu à mode, ça. Je sais pas, mais ça fait rire. Il y a quelqu'un qui l'a reposté là, à cause de quelque chose. Genre niaisé.com ou autre page. Ça existe encore, ça, niaisé.com? Ouais. Tout existe toujours. Ils sont encore en train de parler de Call TV sur niaisé.com. On vit en 2003. De Solange, je me rappelle plus qui. Là. Hein? Solange, je me rappelle plus qui. Hein? Un jour, j'ai fait des recherches sur Solange. Je vais vous parler. C'était une madame qui croit beaucoup à l'astrologie. Et à la pensée magique. Ouais. Et petit pomme. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Non. On parlait de... De musique. Musique. Avant que Tania me déconcentre. Bon, c'est moi qui vais déconcentrer. C'est de ma faute. Vire ton écran. Je sais. C'est toi qui as passé ça à rouge ou c'est moi? Moi, j'ai rien fait. J'étais chez nous. Ah, c'est ça, hein? OK, vas-y. Tu nous parles de quoi, là? Pour une fois que Pierre s'est pas posé par David. Genre la plus straight possible. Mais Google.com. Qui peut pas te déranger. Oui, exactement. Ouais. J'ai mis le fond d'écran. Ah, c'est merci. Parfait. Ça, c'est. Oui, en effet, ça aide beaucoup. OK. Donc, pour revenir à Aramis, je m'excuse vraiment au gars d'Aramis. J'espère qu'il ne nous écoute pas ce matin. Et s'il nous écoute, il nous écoutait. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est la plus longue présentation. Donc, Aramis, c'est ça. C'est un sextet des Laurentides qui se sont connus au secondaire, mais qui se sont formés durant le cégep en 2014. Et on va écouter tantôt Marie-Yves. Et ce qui est bien, le petit twist supplémentaire, c'est le saxophoniste Louis-Jean Rivet. Ah. Dans le groupe, ça apporte quelque chose de vraiment spécial, je trouve. Cool. Avec, parce que sinon, c'est, je dirais pas que ça aurait été un groupe folk quelconque, mais je trouve que ça apporte une petite touche spéciale, le saxophone. Faut un peu d'originalité, sinon ça sonne tout le temps tout pareil. Ben oui, exactement. Vive l'originalité. Ce sera donc la première pièce du bloc tantôt. Oui, exactement. Après ça, la pièce va être Outer Leaves. C'est du groupe Fairweather de l'album Rituals. Mm-hmm. C'est sorti en 2015. Et si vous aimez Woodkid, le côté orchestral, mais aussi algae, on est toujours dans l'atmosphérique ici avec Algae. C'est comme du rock atmosphérique un peu. Vous allez adorer cette chanson-là. Moi, je l'écoute pour dormir et je fais des beaux rêves avec ça. Tu dors des fois, toi? Parfois. Ouais. Oui, j'ai dormi 8 heures. Wow! Faut des fois. Cool. Si je veux être en forme. Ouais. Et faire moins de dyslexie. Même si ça paraît, c'est moins pire. Et là, après ça, je vais vous présenter la pièce Till Counts. Pas Till Counts comme trop de con, c'est... Non, con, ça veut dire genre... c'est féminin, c'est comme... Ouais, c'est... Con. Ouais, c'est ça. Là, on va dire con. Still con, c'est comme dans On compte tout le temps. Oui, comme le conte chocolat. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est Polissa, un groupe de Minneapolis, avec Spank Rock. C'est un duo... Spank Rock? Oui. Spank comme la fessée? Genre? Spank. Genre du rock fessé? Ouais, ouais, parce qu'il y a tant des titres jouissifs, ce gars-là. Oh, wow. Ah, OK. Comme son album qui est sorti en 2011 et qui est son dernier album. Mm-hmm. Donc, ça s'appelle Attendez-vous, le titre très, très réjouissant. C'est très réjouissant. Ça s'appelle Everything is boring and everyone is a fou liar. Ah, OK, tout le monde est... tout est plate et tout le monde est un maudit menteur. Ouais. C'est ça. Ça représente la vie en 2017. Exactement. Ouais, c'est bien Alternative Facts. Voilà. Mais il l'a sorti en 2011. Oh, à l'avance! Ben oui, que Barack Obama brillait. Oui, oui, exactement. C'était comme... Et que Donald Trump n'était qu'une idée. Ouais. Oui. Dans Twilight, Obama aurait été le gars qui brille au soleil. Et l'autre aurait été le loup-garou. À la place de Robert Pattinson. C'est insultant pour les loup-garous, ça, ouais. Thieuma. Pas mal, Thieuma. Merci. C'est ta dyslexie qui revient encore. Oui, exactement. C'est ton nom en version à l'envers. Modifié. Oui. On écoute ça? Oui, exactement. Et juste pour dire, le Still Count est sorti. En fait, c'est un duo entre Polissa et Spank Rock, donc c'est pas juste Spank Rock. Okay. Et c'est sorti durant le Record Store Day le 22 avril dernier, donc c'est même pas dans aucun album officiel, c'est un simple qui est sorti là. Garbage aussi, depuis quelques années, sortent des... C'est la journée des boutiques de musique indépendantes. Ben oui, puis c'est tout là que les artistes en profitent pour vendre des vinyles à quantité industrielle. Ouais. Tout à fait. Donc, on va écouter ces trois tunes-là. On commence avec Marie-Yves. Oui. Tout de suite dans la carte bleachée de David Ferron. Oui. Fadid Deron. Oui, j'aime bien ça, ça fait artistique. Tu m'arrives, tu m'arrives, moi. Tu m'attires. J'aimerais te revoir. Tu es ma rive, tu es ma rive noire. Tu m'attires, j'aimerais te revoir. Tu es ma rive, tu es ma rive noire. Tu m'attires. plafond des cathédrales. Elle me suit, elle me mord les seins en débouchant de trois bouteilles de vin. Violence, tu me permets d'aller des deux côtés du fleuve. Car tu es ma rive, tu es ma rive noire. Tu m'attires, je me retiens pas. Tu es ma rive, tu es ma rive noire. Tu m'attires, je me retiens pas. Je ne vois rien dans le brouillard. Je t'aime ma rive noire dans la douce lumière du phare. L'épave d'une baleine, la cave dans ton haleine et ta bave sous ma haine. Je grave ton nom sur un chêne. Tu es ma rive, tu es ma rive noire. Tu m'attires, je me retourne. Tu es ma rive, tu es ma rive noire. Je me retire de moi. my back. No restraints. Staring up at heaven, wondering if I can fit it all in my mouth. If it still counts. I left it all for you and left feeling come sad. I want it so bad, so bad. I want it come sad. If it still counts. I left it all for you and left feeling come sad. I want it so bad, so bad. I want it come sad. Ça featuring Spank Rock avec Still Counts. Oui, la toune qui est Hop la vie. Oui, c'était bon ça, mais comme tu l'as dit, on dirait une scène où quelqu'un se fait courir après avec un couteau dans une ruelle. Oh, oui, okay. Si vous êtes cardiaque, j'espère que vous n'avez pas écouté cette chanson-là. Ouais. Mais j'ai aimé ça, tu l'as comparé à Nine Inch Nails et je comprends. Oui, ça ressemble un peu à ça, le côté pop angoissante, ouais. Pop électro, un peu on dort mal après. Mm-hmm. Surprise, un clown sous votre lit. Ah! Non! Avant ça, on a entendu Other Lives avec Fair Weather et on a débuté avec Marive. Oui, du groupe de la Laurentide, des Laurentides Aramis. La bière Laurentide? Non. De la Laurentide? Non, non. C'est plus délicieux que ça, le groupe Aramis. Ah, c'est bien dit. Oui. Faut laisser du type aussi. Oui. Merci David pour ta carte Bleachit cette semaine. Ben, ça fait plaisir. On se retrouve éventuellement. C'est la dernière session de la... C'est la dernière semaine de la session. Voilà. Déjà! On va devoir se reparler par rapport à une chronique éventuelle dans notre édition estivale, sûrement quelque part là-dedans. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce qu'on se prend une petite pause, les amis? On pourrait, très bien. Ouais. Après ça, ce sera les instructions d'assemblage. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Vous écoutez Assemblage Requis en ce mardi 25 avril 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On est toujours avec David Ferron aussi qui reste avec nous pour encore un petit bout jusqu'à la fin de l'émission, je pense. Ah, si vous voulez. Moins occupé que le reste de la session, en temps. Ça fait du bien. C'est le fun, ça. J'aime bien ma job de rédacteur en chef, mais le fait de passer du temps de qualité avec vous. Oui. Tu pouvais pas rester avec nous, t'étais trop occupé. Oui. Ouais. Avant de poursuivre, par contre, j'entends dire qu'on a c'est une autre pub à entendre, c'est ça? Oui, une pub. C'est une pub de crème de beauté. Vous allez comprendre pourquoi je vous l'ai fait jouer. C'est un nouveau commanditaire, j'imagine, ça? Oui, exactement. Hey, je te regarde, toi, là, t'es tellement belle. T'as perdu du poids? Pas en tout. J'ai pris presque 10 livres. Ah, je me dis aussi. Je veux dire, tu rayonnes. Tellement. En fait, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Voyons, c'est quoi ton secret? Mon secret? C'est ça. Elle sans corps. Elle sans calice est savamment composée d'ingrédients permettant à la femme d'aujourd'hui de s'en faire avec ce qui est réellement important et de se calisser du reste. Hey, elle sans calice en application est constatée une nette diminution des insécurités ainsi qu'une réduction de l'apparence d'importance du jugement d'autrui. Appliquez-la régulièrement et voyez votre entourage s'exclamer. Ben voyons! On dirait qu'elle... Sans calice? Mais en cas sans calice. Mais c'est fantastique! Tes nouveaux cheveux blancs? T'as sans calice? Ton mou de bras? Sans calice? Ben voyons! Sans cellulite? Sans calice! L'équité salariale? Ah, ben là, pas folle, là. C'est une crème, pas une lobotomie. Ah! On salue nos amis du CRTC qui... Oui! Doivent adorer. Ça a joué quand même à Radio Cannes. Quand même. A un secret. Elle sent calice. Ah! C'est par le projet Stérone. Merci David. Bienvenue. Donc c'est un projet toutes les capsules. Les capsules quoi? Toutes les capsules, en fait, sont réalisées par des femmes, en fait. Ah. Autant à la réalisation qu'à la promotion et tout. C'est tout. En fait, c'est un projet. C'est le projet Stérone. Mm-hmm. Et justement, c'est l'initiative de l'humoriste Anne-Marie Duprat qui a décidé justement d'avoir un projet plutôt féministe. Donc, elle s'est dit, ben, il y a plein de femmes talentueuses en humour, mais on les met pas assez en relief. Parce que oui, c'est beau, les Mariana Mazza et les Catherine Levac sont très bonnes, mais il y en a d'autres aussi. Ouais. Puis le projet, justement, Stérone, c'est de le faire... présenté. C'est même plus un projet qui a des couilles, mais un projet qui a des ovaires. C'est leur slogan officiel. Ah, c'est bien. Oui. Donc, c'est un beau projet que je voulais vous présenter. Cool. On va aller liker ça, le projet Stérone. Oui. Merci, David. Ben, c'est moi qui vous remercie. Maintenant, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. David, je viens juste de lui demander tantôt en ondes, tu t'en rappelles, est-ce que tu restes jusqu'à la fin de l'émission? Il a dit oui. Oh, mais il y a un TDAH. J'ai un TDAH. Il y a un syphilis. Il y a un syphilis. On met la faute sur ça tout le temps. C'est ça. Bref, les amis, c'est... J'ai oublié, j'ai un TDAH. Ah! Je l'ai pas mis. Est-ce que tu penses qu'il oublie qu'il y a un TDAH vu qu'il y a un TDAH? Oh, est-ce que ça t'arrive? Non. Ah, OK. Bon. J'oublie toujours des trucs, mais je sais toujours que c'est à cause du TDAH. Ouais. Tu devrais oublier des choses, ça pourrait t'aider. Peut-être. Est-ce que c'est vraiment toujours à cause du TDAH? Non, mais c'est ça, tu peux avoir une personnalité qui est aussi genre à oublier des affaires sans tout le temps blâmer le TDAH. Mais t'imagines, si à la base, sans TDAH, il serait une personne qui oublie des affaires, mais avec TDAH, il oublie encore plus d'affaires. Quand tu prends tes médicaments, est-ce que tu oublies quand même des affaires? Ben, j'en prends plus. Mais quand tu en prenais? Est-ce que tu oubliais quand même des choses? J'aidais parce que ça s'amait tellement que t'avais pas le choix de prendre le temps de réfléchir. C'est ça. Ah, mais c'est bien ça, prendre le temps de réfléchir. Ouais. Ouais. Je disais donc que les instructions d'assemblage, c'est la chronique qu'on essaie de mieux vivre. Oui, hein? Exactement. On pourra pas t'enlever ton TDAH, mais on va essayer de faire autre chose. Par exemple, essayer de te dire, David, que t'as quelque chose entre les dents. Ah, oh, c'est difficile, ça. Lui, il est sûr qu'il y a quelque chose entre les dents. J'ai fait ça à une de mes amies en fin de semaine. Ouais. Ben, en fait, j'ai juste dit, hey, regarde-moi donc, souris. Là, j'y ai enlevé. Ah, tu as enlevé avec ta main? Ouais, ah ouais. Mais c'était du rouge à lèvres. Ah, okay. OK. C'est pas super. C'était pas de la bouffe, là, ouais. C'était dégueulasse. C'était quasiment romantique. Oui, ça... il y a une musique qui est sentimentale. Elle m'a dit, ah, merci. Puis là, le gars à côté, il a fait, ouais, j'avais remarqué, moi, avec. Ça te tentait pas du tout. Oh, come on. Mais quand c'est un ami, ça va. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas, j'avoue que là, c'est un petit peu gênant. Ouais. Hein? Donc, une règle, apparemment. Si la personne peut faire quelque chose immédiatement, tu devrais leur dire. Et s'ils peuvent pas faire quelque chose immédiatement pour le laver, il va falloir qu'en quelque part ailleurs, on devrait pas leur dire tout de suite. Donc, c'est un article du Washington Post qui nous dit qu'on appelle ça la loi de Miss Manners, Miss Manière. You have spinach on your teeth. D'accord, donc on va se l'expliquer. Si c'est un ami ou un membre de la famille, tu devrais dire... tu devrais, dans le fond, tu peux deviner que la personne aimerait ça que tu lui dises. Okay. Parce que la personne, tu la connais. Hein? Si tu penses que la personne va mal le prendre, HowStuffWorks.com nous dit qu'on devrait pas leur dire parce que sinon tu vas avoir l'air de le juger la personne. Hein? Ah, donc, okay. Attends, avec des amis proches ou la famille, tu devrais dire bon peut-être genre t'as quelque chose ici, hein? À quelqu'un que tu connais pas, tu devrais attendre qu'il se présente à la toilette et peut-être lui se le trouver lui-même. Son ok. Morceau. Voilà. On pourrait aussi essayer de la communication non-verbale, comme essayer de pointer sans rien dire. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Juste sans rien dire, tu fais juste... Ouais, mais il y en a qui peuvent penser que c'est une technique de séduction. Oui. C'est sûr que si tu commences à te mordre le doigt, là, t'es là. C'est pas très bon. Ensuite, la meilleure façon de trouver quelque chose que t'as perdu et éviter de les perdre dès le départ. Donc, David, je pense que c'est une chose que tu fais souvent. Perdre tes choses, ton énorme portefeuille, ta monnaie par terre, tes clés dans le réfrigérateur. Je sais pas. Ça t'arrive-tu? Ta carte de crédit dans ton smoothie le matin. Mon TDAH le permet. Oui, c'est ça. C'est ton excuse du jour. Oui, exactement. C'est ta vie. Oui. Ah, bref, tout le monde perd quelque chose, que ce soit leur clé, leur lunette de soleil, leur portefeuille, peu importe. La première chose quand on trouve, quand tu découvres quelque chose... Sujet, verbe, complément, tu vas l'avoir. J'ai de la misère un matin, je m'excuse, je ne sais pas ce que je veux. Tu as un TDAH, Mathieu? Je t'entends me demander. En fait, c'est drôle, mais je prends des médicaments moi aussi pour la concentration. Hier, je l'ai sauté parce qu'il m'en restait plus. Donc, j'ai recommencé ce matin. Peut-être qu'il n'est pas encore sur le beat. C'est ça. Je suis sûr que c'est ça. D'après moi, ça se peut très bien que j'ai de la misère aujourd'hui. T'as pris du café en plus. En plus. Bref, c'est l'article du New York Times qui nous cite Michael Solomon, l'auteur de How to Find Lost Objects, qui nous dit que les objets ont tendance à s'éloigner de vous. Hein? OK. Ça arrive. Et souvent, ils vont pas aller à plus de 18 pouces de leur endroit d'origine. Donc, ne tournez pas en cercle. Cherchez autour de l'endroit où vous l'auriez mis normalement. Et normalement, ça devrait être là. Ça a du sens. Donc, David, si tu as bougé beaucoup pendant la journée, retrace tes pas et regarde dans les environs, pas juste à l'endroit où tu es passé, mais dans les environs. Des fois, tu l'aurais laissé sur un classeur, sur le bureau de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Moi, c'est souvent mon cas avec mes cafés, je les laisse tout le temps sur les bureaux des autres. Ça pourrait être ça. Donc, retracez vos pas et regardez autour de ça. Mais le truc aussi, chez nous, j'ai une espèce de, je sais pas si je peux dire un petit truc. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, j'ai comme une espèce de panier. Je mets, oui, à la fin de la journée, quand j'ai mes poches, je mets tout ça là-dedans. Je fais ça aussi, une dompe. Ben oui, c'est une dompe à trucs quotidiens. J'adore ça, c'est une petite place, ça peut être une plaque, ça peut être quelque chose de cute, un petit panier. Ouais. J'aime ça aussi. Ah, les filles, on appelle ça une sacoche. Ouais, j'avoue. C'est, ouais, c'est, j'aimerais c'est que les gars puissent avoir une sacoche, mais c'est mal vu. Mais ouais, tu peux avoir un sac messager. Oui, un sac messager, pas un sac Benel, par contre. Non, en effet. Il y a quelques stratégies aussi pour t'empêcher de perdre les choses. On devrait attacher quelque chose qui se démarque à ce qu'on ne veut pas perdre. Comme les filles, souvent, vont avoir une petite boule de poêle après leur clé. Est-ce que tu fais référence, hein, à mes clés? Peut-être. Je n'ai plus la boule de poêle au bout de mes clés. T'as tué la boule de poêle? En fait, j'ai même plus de clé de voiture présente. Avec l'accident, ah ouais, c'est... Ouais, c'est ça. David, tu perds jamais tes clés? C'est rare que je perds mes clés parce qu'elles sont tout le temps au fond de ma poche de manteau. Ouais. Ouais, ça, moi, je les mets tant dans mes poches. C'est chez nous que je vais les chercher. Ouais. Mais à l'extérieur, vu qu'ils sont tout le temps dans mes poches, c'est, la réponse est non. Ouais. Mais l'épicile, par contre. Ah, mais justement, c'est ça, c'est un bon point. L'épicile, ça pourrait être justement dans un panier au retour à la maison. Sinon, moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est quand je change de manteau, comme au printemps, j'ai un manteau de pluie puis un manteau normal. Et puis, j'oublie mes écouteurs dans l'un dans l'autre. J'oublie ma petite batterie de téléphone d'un bord ou de l'autre. C'est plate, mais c'est ça. Donc, un crochet près de la porte, un petit dompe, un petit bol, quelque chose comme ça. Et dans votre vie, mettez quelque chose qui va le faire sortir du lot, comme une petite boule de poêle, quelque chose de fluorescent. Voilà. Ensuite, on a parlé tantôt de quelque chose dans les dents. On va essayer de comprendre, de savoir, en fait, si vous sentez mauvais vous-même. Je pense que tout le monde a eu la peur de sentir mauvais. Mm-hmm. Tout le monde vit ça quotidiennement, je pense. Sentir ton petit bras, c'est bien beau, mais ça paraît. Oui, oui, c'est sûr que ça passe pas inaperçu. Il n'y a pas de moyen de faire que, tu sais, c'est comme... Subtilement, non, ça paraît tout le temps. Ouais. Donc, on commence... À moins que tu fasses semblant de te renifler dans... Tousser genre... dans le coude ou... Ouais, tousser dans le coude ou bien te morver, là, puis ouais. T'essuyer. Ou sinon, ça peut être le contraire. Tu pourrais penser que tu as mis trop de parfum. Aussi. Ça pourrait être ça. Donc, notre premier conseil, en fait, selon lifehacker.com, c'est de... Et là, ça va être difficile de faire ça en public, mais de retirer tes vêtements et de les sentir. Ça va aider, contrairement à les sentir sur ta personne. Tu peux te mettre dans un local qui est fermé. Tu pourrais te mettre dans une autre... Pas te mettre dans un local. Oui, non. Non. Enlever tes vêtements et les sentir. T'aimes pas ça? Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas compris, là, j'ai occupé à regarder d'autres choses. Oh, come on! Là, l'affaire de faire d'autres choses, là, TDAH, faut que t'écoutes la chronique, Tania, je vais te l'envoyer. Par la bande, Tania me distrait parce qu'elle est distraite. Ouais, mais Tania, qui est en train de pas écouter ma chronique, c'est un manque de respect, là. Alors, j'écoute, je suis capable de faire deux choses en même temps, c'est juste que... Ah, bon, c'est quoi? Là, elle pose des trucs, Zanny. Je l'ai envoyé sur Facebook. Elle pose des trucs qui ont l'air d'être des années 90. C'est un gif animé de quelqu'un dans un bulletin de nouvelles. Puis là, en plus, il y a un vidéo de chien. Et elle a la il y a une vidéo de cochon. Hey, non, mais hein, si tu pas... Hey, hein? C'est malaisant rien qu'un peu. Wow, c'est bien meilleur que ma chronique. Elle mord vraiment longtemps. Ah, c'est dans la thématique. C'est dans la thématique, Mathieu. Mais vas-y, tu disais quoi pourquoi par rapport à s'enlever ses vêtements? Je ne pas faire de contenu. Oui, donc on enlève ses vêtements et on les sent parce que ça va être plus facile de déterminer l'odeur si le vêtement n'est pas sur toi. Ben là, tu peux pas faire ça en public. Là. Non, c'est pour ça que je l'ai dit tantôt en mots à la radio. Tu rentres dans une cabine. Tu peux rentrer dans un local ou une place qui était séparée. C'est une bonne idée. C'est ça. Donc, c'est la même chose que ça pour les désodorisants, les parfums, les colognes, les sprays corporels, peu importe. Ensuite, on dit de passer ton doigt sur ton cuir chevelu. Chevelu, okay. Oui. Vous devriez laver vos mains avec de l'eau chaude sans utiliser de savon. C'est et quoi tu voudrais pas que l'odeur de savon couvre ton odeur. Ce que ça va faire, c'est que quand tu vas passer ton doigt passer à l'eau chaude sans savon sur ton cuir chevelu, tu vas pouvoir sentir le bout de ton doigt et savoir de quoi tu sens du cuir chevelu. Arc! Mais pas en public, là, encore! Ah, oh, mais quand même! Okay. Qui c'est qui veut faire ça? Savoir si tu sens mauvais de la tête. Sens tout le doigt, tu vas savoir si tu pues. Hey, c'est obsessif compulsif, ouais. Chronique-là. Probablement un petit peu. Mais si t'as un rendez-vous important, tu veux savoir si tu sens la tête, ça pourrait être... Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un te sentirait la tête? Quelqu'un qui est plus grand que toi? À moins de genre dormir sur le chest de quelqu'un, là, puis que le nez soit direct dedans. Ça pourrait être une première date, mais tu t'es juste pris ta douche le matin, puis là, c'est rendu le soir. Peut-être que tu sens du cuir. Shampoing sec. Shampoing sec. Mais c'est ce qu'on conseille aussi dans l'article, en effet. Ensuite, des tests pour savoir si tu as de mauvaise haleine. Oh, OK. Le test classique, évidemment, avec les mains, je pense. Hein? Oui. Tu mets tes mains devant ta face, tu souffles dedans pour voir si tu peux sentir ça. Ça fonctionne surtout si tu t'es lavé les mains avant, sans du savon qui sent quelque chose, bien sûr. Sinon, tu vas juste sentir tes mains. Ensuite, le test du bras. On dit de lécher ton bras et d'attendre 10 secondes et ensuite tu vas sentir cet endroit-là. Si ça sent mauvais, c'est que ton haleine est aussi mauvaise. Arc! Hein, c'est pas pire quand même. Le test de la cuillère. On prend une cuillère qui est soit de métal ou de plastique. On va gratter la partie qui est au fond de ta langue. On va laisser ça sécher. On jusqu'à va sentir que tu vomisses, là. C'est genre que ça fasse... Le gag reflex. Non, ça va sûrement sentir mauvais, même si t'as une bonne haleine, là. Donc, il faut faire attention quand même pour déterminer qu'est-ce qui est une mauvaise haleine. Ouais, c'est ça. Et finalement, le test du goût. Donc, si t'as un drôle de goût dans la bouche, c'est que t'as probablement une mauvaise haleine. Peu importe ce que tu fais, c'est que t'as surchargé ta salive et tes ganglions. Non, pas tes ganglions, tes papilles gustatives, ah oui. Voilà. Et que ça sort une odeur encore une fois. Donc, évidemment, si vous venez de manger des oignons sur l'heure du midi, ça pourrait être la raison. Oui, c'est vrai, bonne idée. Ensuite, on nous suggère d'avoir seulement 4, peut-être pas seulement 14, mais minimum 14 à faire dans son garde-robe pour pouvoir faire 120 différents habits ou des différents... Ben voyons donc, je savais pas ça, moi j'ai acheté 120 outfits. Non, mais c'est ça. On dit que si t'avais deux jackets, deux petits blousons, peu importe, 5 chemises, 2 cravates, 3 pantalons et 2 paires de souliers. 2 x 5 x 2 x 3 x 2, ça fait 120 combinaisons. Faut s'assurer que ça fit. Ouais, c'est ça la fois. Évidemment, évidemment. Et là, ça compte pas la ceinture. Faut avoir une ceinture aussi. Ensuite, comment réussir à passer du temps dans la nature, même si vous vivez dans une grande ville? Si vous êtes à Montréal, à Québec, peu importe, Trois-Rivières, il y a quand même quelques petits boisés autour du campus, quand même. Donc, toujours avoir de l'air frais, c'est toujours bon. Donc, trouver une place facile verte, ça, c'est quand même assez simple à faire. Ensuite, trouver des endroits près de votre travail. Vous pourriez ajouter de la nature dans votre transport aussi. Si vous passez, vous pouvez passer près de parcs ou peut-être passer à pied dans un parc. C'est ça. Sinon, même si vous vivez dans une grande ville, vous pouvez peut-être trouver des environnements numériques pour, vous, pour passer dans la nature. Donc, vous allez avoir peut-être réalité virtuelle sur YouTube, sur Facebook, écran de veille sur ton téléphone qui bouge pour te faire voir un peu de nature, même si t'en as pas. Ben, le but, c'est pas de décrocher de l'urbanité. Effectivement, mais quand t'as rien d'autre, faut que tu fasses quelque chose pareil. Ouais. Puis après ça, t'envoies ça à tous tes amis sur Facebook comme quoi t'es dans la nature. Et voilà. Puis là, tu prends une photo de toi en train d'admirer la nature sur Instagram. Sur Instagram. Puis dans le fond, tu t'en sors jamais. Tu te fais une journée Facebook sur Messenger, tu te fais Facebook Stories, ça fait. Oui. Ah oui. Maintenant, on parle d'insomnie. Qu'est-ce qui se passe si la privation de sommeil vient à durer? Oh mon Dieu, tu fais des hallucinations. Probablement des éléphants roses un petit peu partout, David, hein? TDAH? Moi, je flatte des licornes. Tu flattes des licornes. Toi, tu rêves des licornes. Hey, les licornes. Fais-moi la paix avec les licornes, c'est assez. Starbucks. Il y a des licornes partout à cause du Starbucks. Ouais. Donc, des chercheurs ont étudié le cas de Randy Gardner, 17 ans, le jeune homme qui est resté éveillé pour moins de 11 jours, soit 264 heures. L'année passée, c'est un Chinois, apparemment. C'est fou, ça. Un Chinois qui avait passé l'an dernier 26 ans. Pas 26 ans, un Chinois de 26 ans, je sais. qui est mort après avoir tenté de regarder tous les matchs de l'Euro 2012 pendant 11 jours sans dormir, voilà. Ben voyons donc. C'est vrai. Donc l'homme avait aussi bu et fumé durant sa performance. Ben clairement, t'sais. À l'heure actuelle, on n'a aucune preuve que le manque de sommeil tue réellement. Ce sont ses conséquences qui entraînent la mort. Troubles de l'humeur, irritabilité, bipolarité, instabilité physique, hallucinations, fourmillements, sensibilité accrue à la douleur et enfin désorganisation de la pensée, confusion, amnésie. Le cerveau perd tous ses moyens. C'est ça qui arrive. Donc, je vais donner ça à une couple de personnes en fin de session. Oui, hein. Des études qui ont déterminé qu'il existerait un lien entre le manque de sommeil et le cancer colorectal et les cancers du sein agressif. Oh! C'est pas le sang qui est agressif, c'est le cancer. Oui. De nombreuses études ont démontré un lien entre le manque de sommeil chronique et un risque plus élevé d'obésité. Des recherches indiquent qu'il y aurait un lien entre le manque de sommeil occasionnel et la consommation de plus grosses portions de nourriture, particulièrement celles riches en calories et en glucides, et une tendance à choisir des aliments nocifs pour la santé à l'épicerie. Bon. Une étude sur le sommeil effectuée sur 1741 hommes et femmes sur une période de 10 à 14 ans a démontré que les hommes qui dorment moins de 6 heures présentaient un risque significativement plus élevé de mortalité, même en corrigeant les données pour le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres facteurs. Une récente étude à petite échelle sur 15 hommes publiée dans le journal Sleep a démontré que même une seule nuit sans sommeil affectait la masse cérébrale. Oh mon Dieu! Hey boy! Un article du Huffington Post. Ça fait pause? Je viens de dire pause, ça. Je vais le poster sur mon Facebook. C'est drôle parce que tu sais, je fais une chronique en ce moment, les esprits d'assemblage. Je suis moi-même déconcentré et j'ai deux collègues qui sont soit sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Ça me déconcentre absolument. Mais non, mais je suis en train de lire les mêmes articles que toi. C'est ça. Parce qu'on manque de sommeil, donc on n'est pas concentré. David, tu fais ça. Je suis quand même dans ta chronique. Non, c'est parce que David m'envoie des licornes. Ça n'a pas de sens. Hein. Pas capable de faire une affaire à la fois. Pourquoi je me demande comment David fait pour animer une émission de radio alors qu'il n'est pas capable d'en écouter une? C'est vrai. Comment tu fais? Ouais. Parce que je l'anime? Peut-être. C'est comme un conducteur de voiture va être plus à porter plus attention qu'un passager, mettons. C'est encore drôle, ça. Ouais, c'est encore drôle. Madame hier. On la salue d'ailleurs. Ouais. Combien est-ce que vous marchez de pas par jour, les amis? Hey, j'en ai aucune idée. Quand j'étais plus jeune, j'avais les fameux compteurs de pas de spécial cas. Ah, ça marchait. Tu sais, ta choumet, ça te donnait un cas. Ah, ouais. Si tu courais, ça t'en donnait deux. Je sais pas, ça m'intrigue. Je pense que je vais m'en acheter un plus intelligent. Ouais. David, t'es sûrement du genre à avoir 3-4 applications qui font la même affaire sur ton cell? Non, moi, le genre d'exercice qui disent combien de pas que tu fais, ça me tape ses nerfs. Ouais, hein. Je veux marcher en toute liberté. T'aimes pas te faire encourager? Ah, t'es presque arrivé à ton but, non? Ben, je marche assez dans la vie. J'ai pas besoin d'une application pour me dire, il marche. J'avoue. Mais bref, on dit, on a souvent entendu que 10 000 était le barème. Il fallait marcher 10 000 par jour, 10 000 pas par jour. Apparemment que 15 000, c'est le nouveau 10 000. Oui, c'est énormément beaucoup. Ah, ouais. Je fais des journées où je marche énormément pour faire des commissions et je bats à peine mon 5 000. Donc, 10 000, c'est énorme. Donc, il faudrait aller à une demi-fois plus que ça, à 15 000, selon l'International Journal of Obesity. Donc, 15 000, ce serait la nouvelle norme. On a cherché chez des travailleurs de Glasgow, en Écosse, incluant des travailleurs dans des bureaux et des gens qui transportaient du courrier, donc des facteurs. Chaque participant portait un tracker d'activité avec leur index de masse corporelle, leur taille, leur niveau de sucre dans le sang, profil de cholestérol, etc., etc. Et tout ça, évidemment, étant des risques de maladies cardiaque. Hein? Mm-hmm. On nous dit que ceux qui s'assoyaient le plus longtemps dans leur journée, donc ceux qui passaient vraiment un bon bout de temps assis, avaient un taux d'indice de masse corporelle, oui, plus élevé, une plus grande taille, un moins bon contrôle du sucre dans le sang, un profil de cholestérol moins idéal comparé à ceux qui bougeaient plus. En fait, pour chaque heure assis pendant la journée, au-delà de 5 heures, les participants avaient 1,2% de plus de chances de développer une maladie du cœur dans leur vie basée sur la recherche. Ah, mais juste 1,2% de plus par tranche de d'heures, par une heure au-delà de 5 heures. Okay. Ça commence à monter vite quand tu fais une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, ça commence à monter de plusieurs pourcents. Okay. Donc on nous suggère d'aller à 15 000 pas ou plus par jour, ou ceux qui restaient debout pendant 7 heures ou plus par jour avaient un BMI, comment t'appelles ça en français, un indice de masse corporelle, un IMC, normal, une taille moyenne, et bon, etc. Donc ça améliore ta vie de passer 15 000 pas par jour, selon l'étude du docteur William Tigmy pour le New York Times. En fait, selon certains biologistes, la position assise de l'humain est anormale. Oui, c'est ça. On se tue à petit feu. Exactement. Est-ce que vous aimez Tetris? Est-ce que c'est un jeu que vous jouez souvent? David a l'air d'aimer ça pas mal. Pas souvent, mais quand j'ai l'occasion de m'y adonner, j'aime bien ça. C'est le fun, ça passe le temps. Donc Tetris qui pourrait empêcher les flashbacks après un mauvais accident, Tania, tu devrais peut-être retenir ça. Oui. Les victimes d'accidents de voiture peuvent souvent rejouer le souvenir dans leur tête. C'est des souvenirs qu'on appelle le désordre du stress post-traumatisme. Selon une nouvelle étude, Tetris aiderait là-dedans. Les chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède expérimentent avec cette idée-là depuis longtemps. Surtout en montrant des extraits de films, des extraits gore un peu à des bénévoles, des volontaires. Et ceux qui jouaient au Tetris, après avoir vu ces événements traumatisants-là, ça reprogrammait ton cerveau pour empêcher les flashbacks d'avoir lieu. C'est ce que ça nous dit. Donc les chercheurs ont demandé aux victimes d'accident et aux témoins de se rappeler de leur souvenir, de se rappeler de l'accident finalement. Et ensuite ils ont joué à Tetris sur la Nintendo DS pendant 20 minutes. Un groupe de contrôle, passait 20 minutes à écrire sur comment ils avaient passé leur temps dans la salle d'urgence depuis leur arrivée. Donc ils devaient détailler les souvenirs. Et les gens qui avaient joué au jeu avaient moins de souvenirs dérangeants après une semaine. Ah, mon Dieu! Les chercheurs ont dit ça dans Molecular Psychiatry, donc ça pourrait aider parce que ça fait ça interfère avec la composante visuelle de tes flashbacks. Donc tu vois peut-être l'événement dans ta tête où tu focuses sur des petits détails quand t'as pas de choses pour penser à autre chose, d'autres trucs qui pourraient te divertir un petit peu avec ton TDAH. Mais pour vrai, c'est très bon pour le TDAH, le Tetris. Très bon pour le TDAH, bon, ben voilà. Et ça pourrait être Candy Crush, ça pourrait être n'importe quel autre jeu casual game comme on appelle. Donc pas obligé de jouer à Tetris si vous aimez pas ça. Ensuite, tantôt, j'ai parlé de mon Avamis, ce que je mets dans le nez le matin pour les allergies. C'est un petit spray que tu te mets deux fois dans chaque narine le matin, aux 24 heures. Donc, les sprays dans le nez pourraient en fait empirer tes allergies. Bon, tu vois. Dit-on. Donc, avec la météo un petit peu plus chaude, arrive le pollen, ce qui veut dire aussi les allergies saisonnières pour bien des gens. Les sprays dans le nez sont de toute façon efficaces de traiter ces symptômes-là, mais si on se fie trop là-dessus, ça pourrait empirer ton cas avec le temps. Donc, on parle de sprays décongestionnants comme oxymétazoline et autres trucs chimiques qui portent des noms un petit peu plus commerciaux dans le commerce. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va faire rapetisser les vaisseaux sanguins qui sont en inflammation dans les passages nasaux, ce qui va donc désembourber tes sinus pour que plus d'air puisse passer. Mais Dr. Madeleine Schaberg de New York Eye and Ear Infirmary du Mount Sinai Hospital a expliqué ça à Women's Health, que l'utilisation fréquente de ces sprays nasaux-là peuvent causer plus de problèmes qu'en résoudre. En fait, après quelques jours d'utilisation continue, ces vaisseaux sanguins-là vont développer une petite dépendance. Ils vont finir par se fier sur ce médicament-là, ce qui va faire qu'ils vont prendre plus d'ampleur et enfler au-delà de leur grosseur normale jusqu'à temps que tu fasses ton prochain spray. Donc, ça va créer un effet de rebond, si on veut, et ça va empirer. On appelle ça rhinitis medicamentosa, le terme médical là-dessus. Donc, plus vous vous fiez sur un spray, plus ça pourra empirer. Donc, peut-être l'utiliser sur des petites périodes ou demander à votre médecin, peut-être que vous pouvez le faire deux fois par jour pendant une certaine période, puis après s'arrêter à peut-être une fois ou deux jours, je sais pas pourquoi. Donc, demandez à votre médecin. Et sinon, bien sûr, les rinçages à solution saline là, avec la petite théière, avec le push de différentes compagnies, à la place de prendre vos médicaments qui sont sur tablette, peut-être comme Flonase ou Nasacort, qui sont disponibles en vente libre depuis quelques temps. Ensuite, on parle de ghostage. Un petit peu, la meilleure façon de contacter quelqu'un que t'as ghosté dans le passé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Tania, que t'as ghosté du monde, mais de les ramener dans ta vie plus tard? Oui. Oui. Pour, est-ce que je peux, mettons, tu y vas pas dans le détail, pour quelle raison tu voulais ramener quelqu'un que t'as ghosté? Ben, je l'ai pas nécessairement ramené. J'ai juste passé un commentaire. Mais ça fait en sorte que la personne est revenue. Sur Facebook? Ouais. C'est comme ça que tu l'as fait? Ouais. Bon. Donc, si t'as ghosté... David, est-ce que t'as déjà ghosté quelqu'un? Oui. Oui. Est-ce que t'as... Avoue que c'est le moment malaisant où tu dois avouer que t'as déjà ghosté. On s'est fait ghoster aussi, Tania. Oui, c'est réciproque, je pense. On se fait ghoster, on ghost. Est-ce que t'as remis cette personne-là dans ta vie avec le temps ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Tu l'as déjà fait, donc? Donc, peut-être que vous étiez pas prêt pour une vraie relation, peut-être que vous aviez peur d'une relation, peut-être que vous vouliez pas d'amis à ce moment-là, je sais pas, ça peut arriver. Donc, ghost, ça peut devenir un zombie. C'est dans le lingo du dating. On appelle ça quelqu'un qui essaie de ramener une relation des morts, comme ça. Ça se fait. Donc, les enjeux sont évidemment très, très, très faibles, très, très bas, parce que la personne, tu peux au pire recommencer à l'ignorer rebloquer, sans problème. Donc, tu voudrais pas... ce qu'on dit que tu devrais pas faire, c'est d'envoyer un message comme « Hey, ça va? Salut? Blablabla. » Selon Francesca Hoagie, qui est dating coach, tu devrais être direct mais mature en essayant de reprendre contact avec la personne. Donc, tu devrais être au courant de ce que tu as fait, être honnête sur comment tu te sens et peut-être même t'excuser. Par exemple, tu pourrais dire « Hey, nom de la personne, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais et je sais que je t'ai laissé tomber avec le temps, mais j'ai pas arrêté de penser à toi. Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce qu'on peut recommencer à se parler? » Ce serait une façon... Et la personne de répondre non. Mange d'air! Exact. Évidemment, il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner, mais comme j'ai dit tantôt, les enjeux sont tellement faibles, la personne va juste pas te répondre au pire ou dire non, tu la bloques. C'est... Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, tu t'es fait ghoster, et là, la personne qui t'a ghosté revient? Ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es quoi, toi? Parce que ça pourrait se reproduire. T'es genre celui qui se fait manger la cervelle par le zombie? La personne pourrait te re-ghoster. Oui. Ou tu pourrais décider de la ghoster à ce moment-là. Prendre ta revanche? Ouais. T'es du genre à prendre ta revanche? Ça, ouais, je suis un peu rancunant des fois. Bref, à vous de voir si vous voulez l'essayer, mais pas juste un « hey ». Allez-y plus... avec un petit peu d'excuses comme ça, je pense. Ouais, ben la personne qui... Parce que je l'ai pas fait comme ça, moi, je dois avouer, là, c'était plus pour une question par rapport à quelque chose que j'avais simplement la chance de demander à cette personne-là que j'avais ghosté. Un expert dans le domaine. Exactement. Ouais. Par contre, je me suis fait faire le contraire. J'ai été la personne qui a été déghostée. Ah, déghostée, c'est comme dégivrée. Ouais, c'est ça. Puis on dirait qu'à un certain moment, ça te déstabilise. Tu sais que t'as été ghostée. Tu fais quoi, là? Qu'est-ce que t'as fait, donc? Je continue à y parler, mais en y garochant tout ce que je pensais. Ça fait pas une très belle relation, à la fin. Mais non, mais aujourd'hui, on est maintenant de très bons amis. Ah! Ouais. Ah ben! Ouais. Ah, c'est cool, ça. J'imagine que c'est la solution, je sais pas. Peut-être. J'ai dit, t'aurais dû t'excuser, tu l'as jamais fait. Non, mais tu sais, des fois, les deux ont un petit peu de tort, puis il y en a un qui est plus capable de... Ouais, mais dis ton caractère, mais m'aidait pas. Ouais. Pas ouais. Je vois pas de quoi qu'il parlait. J'ai un très bon caractère. Côté bouillant. Ouais, c'est ça. Bouillotte. Mais au bout de combien de licornes que tu m'aurais donné un coup de poing sur la gueule, Tania? David qui a envoyé les licornes à Tania par Facebook. C'est pas pire, là. Ça se passait bien jusqu'à présent, mais si tu continues, ça se peut qu'à un moment donné, je garoche mon téléphone dans la face. Okay. Un iPhone de brisé, ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Oh. En plus d'une voiture, écoute, rien de moins. Soyez gentils. Voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage. Les liens sont sur les notes de l'émission sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1100 aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir écouté. C'était pas hier, 1100? 1100, non, hier, c'était 1099. Ah. Ouais. C'est aujourd'hui 1100. D'accord. Voilà, c'est tout pour cette chronique-là et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Juste à temps, on se retrouve demain. Merci David Ferron. Ben merci de m'avoir invité. Merci de m'endurer dans ma différence. Ah, merci d'être resté jusqu'à la fin malgré ton TDAH. Ça me surprend qu'ils écoutent pas Radio-Canada puis d'autres postes en même temps que... C'est vrai, hein? En fait, je suis pas capable de rester assis et écouter la radio. Faut tant que ça, je fasse du lavage. En fait, grâce à la radio podcast, je suis un homme propre. Mais je pense que la plupart des gens ont de la misère à écouter juste la radio. Ouais, c'est plat, parce que sinon, tu regardes un mur. Je pense que c'est pas du TDAH qui fait faire ça. C'est juste le fait que... Il y a pas de visuel. De te divertir. C'est ça. je comprends ça. Bref, demain à l'émission, mercredi, on va avoir Sébastien Guertin à 7h30 pour son bulletin Guertin, une dernière fois cette session-ci. Xavier Méclis, je vais être là à 8h30. J'ai entendu dire aussi qu'Alfalfa Lutin va passer à l'émission d'aujourd'hui. Il était supposé être parti, mais il va être de retour, si tout va bien, entre 6h30 et 9h30 demain matin. Sur nos ondes aujourd'hui, en cette semaine d'entre-deux, entre la fin de la session d'hiver et le début de l'été, on devrait avoir... En fait, je sais qu'on a le Mathieu Plancheau à 10h, en rappel. Ensuite, à 14h, Talia et moi, on sera de retour pour les Palmarès C'est fou. Si je dois pas aller chercher une voiture de location. Ah oui, on va voir. Donc entre 14h et 17h pour toute la musique de la semaine. Et à 19h, c'est réanimation, l'émission de métal et d'horreur. À demain, 6h30. On se quitte avec une nouvelle entrée du Palmarès francophone. C'est Allo Mode avec Du Pouvoir. Et à demain. Bye, bon café, là. Bye-bye.